On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Eh oui, ouais. Maginot, épisode 2. C'est inédit ce qui se passe. Oh là là, comment ça va l'équipe? Le 14 juillet est passé, nous sentons français, on nous a enlevé deux jours fériés. C'est bien fait enculé. Attention. Ça commence fort. Vive la France. Attention. Attention quoi? Attention à ces deux jours fériés. Hein. C'est lesquels qu'on veut enlever? Ah, est-ce qu'on déciderait pas? Bah, le 5 et l'autre. Ah, après oui, on peut décider. Moi, ah oui, le 8 mai, il a enlevé ce nazi de merde. Ouais, c'est ça, le 8 mai. Oui, c'est pour lesquels couper, vous c'est... Couper la Marseillaise. Non, c'est fini dans 30 secondes, vous inquiétez pas. 30 secondes. Vous sentez pas français, merde ou quoi? Ah, j'ai de la main sur le cœur. Hein. Ah, je chante là en même temps. Hein. Vous m'entendez pas? Hotline Imagine au épisode 2, qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez quel jour feriez-vous finalement enlever? Alors, bah, on va peut-être pas poser la question. Pour choisir. Pourquoi? Bah, parce que vraiment, je vous entends un peu mal, j'avoue. Ouais, ça va. Ah ouais? Ok. Je l'ai mis pas fort. Ouais, mais là, c'est bon. Vous êtes revenu à un niveau normal. Mais du coup, quel jour férié enlever? Personne s'est posé la question. Au contraire, quel jour ajouter, on se posait tous. Ah ça. Moi, j'en ai des nouveaux en Allemagne, moi. Putain. Oui, mais t'en as perdu. Un truc qui s'appelle. Ouais, j'en ai perdu. Je crois qu'en différent, je dois en avoir un truc comme ça de différence peut-être, ou deux. Enfin bref, je vis comme vous finalement maintenant. Et en Allemagne, il y a la fête de Dieu, qui est genre un mois après Pâques, parce que voilà, on s'est déjà reposé à Pâques, pourquoi pas un mois après, c'est voilà, on a un petit jour en plus, ça fait plaisir. Et après, il y a d'autres conneries. Tu sais combien t'as de... juste deux en plus, mais on en a combien nous déjà? T'as le chiffre je ou pas? Je sais pas. Moi j'en ai, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 11 en France. Il y a Noël et tout. Mais il y en a un qui n'est pas jour de l'unité allemande, j'ai jamais eu de congé à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il m'a sorti ça. Je t'ai fait avoir. Savez quoi, je viens de lire que on a 11 jours fériés par an en France, et contrairement aux idées reçues, on est en dessous de la moyenne européenne. Oui, on avait. Mais déjà, on est en dessous de la moyenne européenne qui est de 12. Nous, en France, on a cultivé un truc qui s'appelle le pan. Oui, ça c'est vrai. Ce qui reste quand même... ça reste français, ça, voilà. Je pense qu'ils n'ont pas The Bridge. Voilà, ils n'ont pas The Bridge, les putains d'anglos. Mais ça leur fait bizarre quand on leur parle de The Bridge. Hein. Les amis, bon, on n'est pas décidé sur les jours fériés parce qu'on les connaît pas, en fait. Moi, je sais que je les connais pas, par exemple. Bon, moi, c'est facile à mentir, on les connaît tous. 14 juillet, 15 août, hein, comme ça, enfants, ils ont des vacances, ça leur évite d'avoir des jours fériés sur les vacances, quoi. Tu veux les enlever? Bah, quitte à en enlever deux, autant enlever ceux de d'été. Comme ça, mais t'es con, nous on est plus à l'école, tu veux juste me baiser là. Mais je m'en bats les couilles en fait, pense aux enfants. Mais comment ça, pense mais aux pourquoi enfants? Pourquoi prends ça, ils ont deux mois de vacances. Mais c'est... Bah, surtout que c'est que 18 ans de leur vie, après c'est fini. En plus, oui. Bon, c'est fini, attention. Ça peut finir avant aussi. Il y en a qui restent très longtemps, d'accord. Oui, ça peut finir avant aussi. Oui, il y en a qui restent très longtemps après aussi, oui. Allez, on n'est pas là-dessus. On arrête de parler de ça. Bon, les amis. Vos actus perso, je les veux tout de suite en fait. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis le dernier épisode de Hotline Maginot? Bah vas-y, moi en même temps. En gros, ouais. Moi, bon, bah fin d'une partie là de mes études, on arrive à bientôt à la fin. Les vacances. Après 20 ans. Hein. Un petit voyage après 20 ans d'études évidemment. Enfin même plus, hein, 25 ans d'études pour être non 23. Mais t'as 22, même pas 25 23. Ans, qu'est-ce que tu racontes? Ben, j'ai 25 ans en plus. Ah ouais, j'avoue. Alors, mais si tu les as, je les ai. Hein. Ouais, voilà, si tu les as, je les ai. Donc, sauf non, accident. On prépare un petit voyage à Séoul pour la fin des études. Et actu, 14 juillet, je suis allé voir un feu d'artifice. Mais je suis dans une ville d'énormes tarés. Ah putain. Puisque le feu d'artifice. Bah, mais je te devance, t'en as peut-être une toi aussi. Mais moi, je suis allé à Montpellier, donc quartier. Enfin, vers Port-Marianne, il y a un parc. Et en gros, il y a une grande scène ouverte. Il y avait plein de gens. Ils ont arrêté le tram et tout. On pouvait être sur la route, tout ça. Et on se dit, bah, vas-y, c'est cool. On voit celui de Montpellier, enfin, celui du centre-ville. On se dit, ça va être génial et tout. Enfin, plus que ce qu'on voit sur les mers. Vous n'êtes pas dit ça. Vous êtes pas dit ça. Si, je te jure qu'on s'est dit ça. On s'est dit ça va être cool. Et de toute façon, on a un débat sur le feu d'artifice. Mais oui, c'est une de mes questions pour aujourd'hui. Ah bah, vous me poserez la question parce que je connais pas le débat, mais... Et maintenant, j'ai une autre aversion maintenant. Je pense que Brice, tu peux t'en douter, mais on a déjà parlé, je pense. Je sais pas, là, comme ça, je sais plus. Bon. On verra, j'en parlerai. Et du coup, donc on a une ville qui est à fond fan de ses trams, des tramways. Et pour vous dire, le feu d'artifice était rythmé par les tramways. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une voix la voix du tram, il y avait du tram qui parlait. Et la voix du tram, elle disait, ligne 1, la belle bleue. Attention, et elle faisait elle faisait ligne 1 et un petit jeu de mots, et ensuite c'était entrecoupé par arrêt comédie, par exemple, pour les arrêts les plus connus. Et ensuite il y avait du feu d'artifice, ensuite attends, quoi par genre c'est comme si la SNCF il faisait 2 minutes d'arrêt, et genre à 2 minutes d'arrêt il y a des feux d'artifice à ce moment-là, quoi, avec un 2 qui s'affiche dans le ciel, pendant pendant 2 minutes, voilà, ce genre de truc, exactement. Sauf que, donc déjà, premier truc, donc ils ont fait ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. La ligne 5 qui est en construction, ils ont fait un truc et c'était le bouquet final. Dieu merci, c'était pas pareil. Hein. Ah ouais, non mais... Et dites-vous que les feux d'artifice étaient nuls. En fait, je vois à côté tout ce qu'il y a eu et tout. Étrange, tiens. Long, c'est plutôt pas mal ce qu'il y a eu. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Ah, attention, je sais que t'as analysé la question. Mais moi, je me dis, genre, ils ont même pas testé les drones ou des trucs... Bah voilà, c'est ça, la drone de merde. Voilà. C'est nul à chier, c'est la putain de merde. C'est ouais, encore pire, en ça me fait regretter les feux d'artifice, cette merde. Alors, mais non, ça change pas, c'est nul à chier. Pas d'accord. Bon, en tout cas, dites-vous que voilà, c'était, il y avait 4 trucs, il y avait 3 couleurs, ils ont fait un feu d'artifice en forme de cœur une fois sur les 10 minutes, et après, c'était juste des feux d'artifice. Et en plus, ces cons-là, ils ont fait un truc, c'était juste à côté d'un énorme bâtiment, ce qui fait qu'on n'était pas non plus hyper bien placé. Et on voyait un peu, on voyait le truc. Non, bah si, parce que il y avait tout le monde qui était assis au même endroit que nous, quoi. Donc voilà, pour les dernières news, je sais pas si j'avais d'autres news. Les voisins, ils nous envoient des trucs sur notre terrasse. Le voisin du haut, il nous envoie des jouets, enfin c'est un gamin, tu vois, mais par la fenêtre. Mmh. Et là, il y avait du coca sur notre canapé d'extérieur. Ah oui. Donc voilà, j'ai eu un petit entretien avec son père, ça a filé droit maintenant. La balance que t'es, il s'est fait défoncer pendant les vacances en plus. Voilà pour moi l'équipe, à vous. Non mais attends, on n'a pas fini sur les feux d'artifice, ça pue la merde en fait, c'est tout. Et les drones, c'est encore pire parce que c'est comment ça s'appelle, c'est déterministe, c'est un programme qui tourne. Il y a même pas un peu de. Je crois que c'est quoi les feux d'artifice. Mais il y a un truc. Un jour, ça peut partir en couille un feu d'artifice. Oui, moi, c'est ce que j'attends en tant que hater. J'attends que ça explose tout d'un coup. Voilà. Une seule fois. Honnêtement. À chaque fois, c'est ce que je jure. Les drones, c'est impossible que ça foire. Ça doit être des Allemands ou des Chinois derrière. Mais jamais de la vie, jamais. Mais ça va se casser la gueule un jour. Il y a un touriste qui va se prendre un drone sur la gueule. Ça va être trop bien. Ou une mouette, je sais pas. Peut-être. Ouais, mais faut qu'il y ait une catastrophe mondiale. Mais là, on est qu'au début, c'est normal qu'il n'y a pas de catastrophe encore. Non, puis moi, justement, au début, ça aurait pu. C'est mieux quand même. Non, mais c'est mieux, bien sûr que oui. Mais comment ça, c'est mieux ? C'est des couleurs qui s'enchaînent. On est des gosses de 3 ans ou quoi ? On n'est pas stimulés. Non, mais attention, tu prêches un converti, c'est nul à chier. Mais les drones, c'est pire. Mais je trouve que c'est cool. C'est cool, les drones. Bah ouais. Aucun. Tu peux écrire des trucs. Tu peux faire des dessins vraiment précis. Nul. Ah, c'est nul. Par ça m'ennuie. Ce qui manque, c'est le bruit, c'est pour nul. Moi. Ça explose pas, ça manque de bruit. Mais même les couleurs, c'est des LED, quoi. Donc ça casse les couilles, c'est dégueu. Mais au moins, regarde. Prends celui de Toulon. Là, j'ai vu le truc à Paris, là. À Paris, j'ai vu des non, images, mais à Paris, c'était nul. Avec les trompettes et c'était tout. Nul. C'était mais regarde nul. À Toulon. Ce n'est pas ils ont fait le tour des points clés de la ville, tu vois. Le téléphérique, les bateaux de l'armée, le stade de rugby, tu vois. Mais c'est cool, ça change de couleur. Les enfants, quand ils regardent ça, ils sont contents. Quand ils regardent quoi ? Le drone ou ils sont contents pour les deux, les enfants ? Les deux, le drone, jamais. Les deux, ils sont contents. Mais bien sûr que si. Ils voient une énorme trompette ou un énorme truc, bien sûr que si. Mais c'est quoi ? On a qu'à faire des drones qui explosent. Oui, l'artisanat, en fait. Non, mais je vous déborde, en fait. Il y a quand même un truc, pour moi, les feux d'artifice, vu que je suis un bouffon, pour moi, il y a quelque chose... presque de magique, alors que c'est un pétard, hein, c'est du lâcher. Ben ouais. Mais c'est quasiment magique quand même, ça explose dans le ciel, je trouve ça nul parce que j'en ai vu 500 000, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est du lâcher. Le putain de drone, on s'en bat les couilles, ils volent quoi, ils volent, il y a une couleur, et ben putain bravo quoi, ça ouais, c'est quoi le téléphérique de Toulon. Qu'est-ce qu'on s'en bat, mais non, il n'y a pas de coordination, je pourrais le faire sur mon ordi de les coder, mais les voilà. Drones. Bah, mais c'est nul, déjà, c'est nul. Bravo. Et ensuite, je pourrais pas être artificier par contre, ça a l'air dangereux. Pourquoi pas mettre les deux? Mais comment ça les deux, tu veux qu'un drone se prenne un peu d'artifice? Bah, mais non, mais les drones sont un peu plus hauts, un peu plus loin, enfin tu t'organises. Mais il y a les deux, hein. Pas le problème. À Paris, il y avait les deux, je crois. Ils ont un an pour s'organiser, ces connards, c'est bon. Ah bah pas non, mais il y avait les deux. Hein. Bah voilà, et ça marche bien. Non, moi je suis pour les deux. J'étais un peu déçu. Non mais en fait, cette année, le problème était que les incendies ont fait que... Je pense qu'il y a des villes qui avaient les deux, qui ont annulé un des deux ou quoi, enfin... Mais il y a des villes qui ont annulé, il y a plein de villages de Noémie, ils ont annulé les feux d'artifice depuis 4 ans parce que c'est sec en été et qu'ils refusent que ça brûle. Ils sont aperçus que c'était pas bien. Non. Vous savez pourquoi ils refusent? Parce que ça leur fait trouver plus de bénévoles. Moi, j'ai vu un maire, un petit village comme ça, il disait, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'il faut plein de bénévoles pour la sécurité, quoi, et j'ai la flemme de les trouver. Ben, paye les gens et t'auras plein de gens, en fait, ouais. En même temps, c'est vraiment nul, quoi. Je sais pas comment dire, mais pourquoi il y aurait de la sécurité sur les feux d'artifice? Mais si, avec des pour les retomber avec des extincteurs, pré-intervenir. Ben justement, moi, c'est ça qui me plaît dans le feu d'artifice. C'est le seul truc qui me plaît, quoi. C'est que ça peut partir en couille. Le risque moment, de feu. En fait. Le risque d'accord. de feu. Mais pourquoi mettez-moi pas le faire une bonne vidéo d'un drone qui se crache contre un immeuble, peut-être que je reviendrai dans votre team. Mais pour l'instant, c'est un grand nom. Qu'un mec hack les drones un jour, à une ville comme Paris ou quoi. Mais bon. Une énorme bite de 8 mètres, mon rêve. Ah. Ce serait incroyable. Dans le ciel. Ah, là, tu vois. Là, on parle. Hein. Et ben voilà, on a un an pour se trouver un mec. Ouais, c'est toi, Brice, le spécialiste de ça en plus. Ouais, je sais pas. Ouais, faudrait que tu te fasses engager, que tu t'embrouilles avec les mecs, et après là, ouais, c'est vrai. Prime. Mais j'ai encore mieux. On monte notre boîte de drones de spectacle, on promet à tout le monde du rêve et juste on met des beats. On les vend au village de Noémie, là. Voilà. Ça leur fera les pieds. Non, mais juste, faut le faire au-dessus de l'eau en fait. Les maires qui se plaignent du feu, enfin les villes, faites-le au-dessus de l'eau. Oui, mais connard, c'est vrai qu'en plus on est une île côtière. Vraiment, tout le monde a un lac ou quoi? Tout le monde a un lac pas loin. Fais pas genre. Mais pas du tout. C'est les villes, les communes, connard. Il y a des lacs par commune. C'est les lacs qui sont pas au milieu et c'est tout le monde le partage. Non, mais on pourrait faire un truc pour le 14 juillet. Bref. Il y a des gens, je pense, ils étaient decks de perdre leur feu d'artifice quoi. Piscine. Ouais, une piscine. Un jour de pluie. Je on pense attend. Que les gens s'en branlent du feu d'artifice, honnêtement. Ouais, c'est plus le côté festif. Il y avait du monde après. Hein. Faire un soir et tout. Ouais, oui, mais parce que voilà, les gens ils aiment bien sortir. Oui, c'est le jour ça, où tu sors avec tes gosses un peu tard, tu manges la glace, tu manges un truc, tu t'assois dehors et que tout. Que Macron te donne l'autorisation de sortir dehors. Voilà, maintenant, voilà, dans quelle France on va aller. Je remets le générique, j'en ai rien à foutre. Et suffisamment d'argent pour payer une glace, quoi. Donc ça, c'est pas dans la France de Macron qu'on ira manger une glace. Hein. Ah ça. Ah mais quand je te dis une glace, c'est un glaçon de nos jours avec Macron, ce qu'on peut manger. Hein. C'est pas mieux. Un verre d'eau. Parce que le glaçon, on n'a pas assez de. Ah payer. Tiède. Bref. Ouais. Voilà. Et toi, Brice, du coup, ton actu de ville. Oh moi, je suis allé à mon actu de ville ou mon actu perso. Bah perso, pardon. Non, ton actu perso. Je suis allé à Toulouse ce week-end, c'était sympa, c'est toujours plaisir d'y revenir, c'est vraiment pas mal comme ville. On connaît deux villes dans ce putain de podcast, donc ça peut être mais ouais, mais... c'est Montpellier et Toulouse à chaque fois. Et bien la prochaine fois je retournerai à Nantes, j'irai plus loin les gars. Là, et par contre, vous êtes passé par Montpellier ou pas pour aller à Toulouse? Bah sans doute oui, tu veux passer par où? Ouais, vous pouvez peut-être venir boire un coup à la maison, je sais pas. Bah non, on était pressés. Passer boire un coup à la maison, ça va. Les doigts de ta fenêtre. Si je m'arrête à chaque ville où il y a quelqu'un, j'arrive plus jamais. Bah ça s'appelle être ami, mais bon, je vois que c'est pas tout. Imagine si t'avais fait ça à tes parents, Brice. T'imagines la dire peut-être. Il y a des sous-entendus. Enfin voilà quoi. Mais un truc qui... Quoi, Toulouse? Oh ben un tour de la ville, on a visité, on a mangé, tranquille quoi, un classique. Mais sans déconner, mais il se passe quoi dans cette ville? C'est... Je vais y retourner. Ouais, elle est géniale cette ville. Non mais un petit bon, parc-ci. Un super feu d'artifice là-bas donc oui. En plus, il a mangé là où on avait mangé quand vous êtes venu. C'est vrai, j'ai remangé les ramen. Mais par contre, ouais, tu t'abuses. Mais pourquoi? Moi, j'avais gardé un très bon souvenir, je me suis dit, je vais remanger des ramen. T'avais toute une ville gustativement à explorer. Sauf que j'ai envoyé tellement d'adresses. Écoute, j'avais promis des ramen. J'ai délivré, moi, tu vois. Après, ouais, tu devais être content de ta meuf. Mais voilà, c'est pour ça. Non, mais quoi d'autre? Oui, après, un délice. Bah, c'était super bon. Voilà, quand on a visité le couvent, je sais pas, moi. Classique. Un truc qui m'a marqué par contre, c'est qu'il y a trop de briquettes en fait. C'est moche, arrêtez. Oui, et c'est pas spécialement rose la ville après quand il y a du soleil, c'est rouge. Voilà, non, c'est rouge. La ville et rose. Ça me sort toutes ces petites briques. Ça a toujours été rouge hein, par contre. Hein. Oui, mais non, mais faut arrêter de l'appeler la ville rose. Hein, Mais si, à cause des bonbons à la lavande, là, souvenez-vous. Ouais, c'est violet. C'est violet, connard. Et voilà. Et c'est à la violette, en plus. Bravo. J'ai pas dit le contraire. Parce que vraiment, la lavande, c'est en Provence, donc... Ah ouais. Bon, allez, il y a plus rien. Bah, c'est à la violette. C'est à la violette, les... Pas expert, expert en géo, ici, apparemment. Pour ça, ils étaient bizarres, ceux que j'ai mangé. Dans tous les cas. Enfin, voilà. C'est quoi, les briquettes? Attends, les briquettes, c'est quoi, Brice? C'est les briques rouges de... C'est moche, quoi, les briquettes. Ah, juste ça, ok, autant pour moi. C'était moche, voilà, faut arrêter. Oui, c'était pas une spécialité, oh bah, t'inquiète. Et toi, Julien, du coup? Et bah moi, j'ai eu l'épopée avec mon ami Anne, alias le scam sur Telegram. Incroyable. Quelle aventure, 22 euros récupérés. Franchement, bon, je l'aurais invité. Ah, ça, tu l'as mis en story à la une? Je l'ai mis en story à la une, si jamais. Et en gros, voilà, ouais, j'ai eu un message Telegram de scam. Il s'est passé plein de choses, mais en gros, la première étape du scam, ils te donnent de l'argent pour que après ils t'en prennent, quoi, en gros. Mais bon, si tu t'arrêtes juste à l'étape où ils prennent de l'argent, où ils te donnent de l'argent, bah t'as gagné 22 euros, c'est ce qui m'est arrivé, donc c'était énorme. Mais t'as vu, ils se sont améliorés. Parce qu'avant, tu pouvais envoyer le message, code, ouais. Donnez-moi l'argent, et maintenant il y a le code. Oui, maintenant il y a un code, ouais. J'ai essayé de donner le plug à Brice. Et il m'a refusé. Anne était opérative. Le code était invalide, ouais. Et j'ai essayé de mettre un code au hasard. Je t'ai envoyé un texto avec un autre code qui marche. Oui, non, mais j'ai réessayé, mais elle m'a ghost maintenant. Anne. Putain, Anne. Et ben voilà, c'est tout. Petite actu cinéma, l'accident de piano de Quentin Dupieux est sorti ce mercredi, ou il y a un mercredi, je crois. Petite anecdote, on a moins d'épisodes disponibles sur Spotify que de films de Quentin Dupieux sortis depuis 2019. Voilà. Il a fait plus de films que nous d'épisodes. Donc, Bah, bon en comptant l'entrée des artistes ou... Ouais, ouais. Ok. Oh putain, ouais, quand même. Là, avec la publication de celui-là, je crois qu'on légalise. C'est-à-dire 9 films depuis 2019. C'est bien, 9 hein. Épisodes. Ça y va? Ouais, ça petit rythme. Sachant qu'on n'était pas hyper régulier avec l'entrée des artistes, donc... Il y a eu une pause de 4 ans. Ou voire plus, je sais plus. Okay. Bah, actu, pour suivre juste sur l'actu ciné, le film F1, génial. Ouais. Je pense que Brice aussi, tu l'avais dit. Ouais, mais... super sympa. Il est vraiment incroyable. Ouais, ouais, je suis allé le voir le jour même où Brice, il en a parlé et tout. J'étais en mode, bah, ce serait cool qu'on aille au ciné. Et du coup, on est parti là-dessus. Et on s'est régalé. Après, je vois pas comment il peut être nul, le film. Bon, quand même. Hein. Ouais, on met un mec connu, on prend un truc à la mode que tout le monde aime bien. Ah oui, oui. Ah, tu mets, en oui, plus, oui, ils ont vraiment fait Top Gun 2, mais avec des voitures, voilà. Quoi. Enfin, c'est la recette du succès pour moi. Oui, oui, c'est non, sûr. Mais c'est pour ça. J'ai juste peur d'un truc. Hyper cool. Qu'ils fassent les trucs trop techniques pour faire genre les connaisseurs, et non, ils s'en foutent, c'est un peu secondaire. Je crois que ça s'est greffé après le scénario, quoi. Le logo F1, en gros. Ouais. Genre, okay. C'était en production, et après F1, ils ont fait, mais attendez, on peut peut-être se faire de la thune sur ce projet. Puis voilà. Depuis qu'ils sont américains, la F1, ils veulent de la thune partout. Ouais, ouais, je sais pas. Mais sachant qu'il y a Lewis Hamilton et tout qui produit, donc j'imagine que ça joue dans le truc, je pense. Bien sûr. Ah, bien sûr, oui. Mais vous savez qu'ils ont été tournés en même temps que les vrais Grands Prix. C'est pour ça qu'il y a un côté réaliste et qu'on voit les vrais mecs. Pendant chaque week-end, il y avait une dernière équipe qui était l'équipe de tournage et ils avaient leur vraie petite voiture et tout. Bien sûr, ils faisaient pas la vraie course, hein, sinon ils seraient morts et voilà. Ouais, comme quand ils avaient fait le remake de Roadhouse et qui tournait pendant les combats de MMA de je sais plus qui. Mais il y avait Conor McGregor, tout ça. Ouais, c'est super classe les films tournés avec des vrais trucs comme ça. Bah, c'est pratique pour avoir du public, quoi. Ouais. Et puis voilà, actu du jour très rapide, le 14 juillet, j'ai préparé un jeu pour vous les amis. Ah. Qui dit 14 juillet dit prise de la Bastille, on est d'accord? Ah ouais. Oui. On est d'accord. Jusque-là, ouais, pas de oui, soucis, là, on s'est pas perdu. On te suit. On n'est pas hyper fort en géo, mais en histoire, on touche notre bille. Si on dit prise de la Bastille, moi je pense à une comédie musicale très connue qui était sortie il y a quelques années, qui s'appelle 1789, Les Amants de la Bastille. On est d'accord? Oui. Ouais, moi, c'est la première chose à laquelle je pense. Et je pense à ce fameux tube qui s'appelle Ça ira, ou Ça ira mon amour, je sais même plus comment ça s'appelle. Ok. Tout le monde se souvient de ce titre, je peux vous le rappeler pendant une demi-seconde, histoire qu'on ne fasse pas copyright. Voilà. Ok. Ok, tout le monde se souvient. Ça y est, je me souviens. Ok, donc c'est là que le jeu démarre. Je vais vous passer des extraits où j'ai repris ce refrain qu'on vient d'entendre, en changeant les paroles pour vous faire deviner une notion, disons un personnage ou... j'en sais rien, quoi, quelque chose. Et la réponse sera, comment dire, un jeu de mots avec le nom 1789, les amants de la Bastille. Oh putain. Vous avez compris les règles. T'as pas un pour test? Par exemple, je dirais ça ira mon amour, on est des noisettes grillées, mais pas vraiment, on est des fruits secs, disons. Disons que je chante ça. La réponse serait les amandes de la Bastille. Ah, ah. Personne n'avait compris. Vous avez compris? Ouais, on vient de comprendre. Ça y est, maintenant c'est bon. Donc, faut écouter les paroles. Il y a une devinette, et après, la réponse est un jeu de mots sur 1789, les amandes de la Bastille. Et c'est surtout. Okay. C'est bon, 1789, non. Voilà, je vous l'épargne. Mais le jeu de mots peut être sur tous les amants de la Bastille. Ok. Ok, ok. On est parti? Yes. Je suis désolé d'avance de... J'ai enregistré ça hier, voilà. On fait quoi notre amour? Coup de carton sur la tête. Connais pas ta taille ni ton deuxième prénom, t'es Sylvie. Un petit calembour sur une meuf qui se ferait de coups. Le jeu me manque, mais pas cet enfoiré texte, il s'est fait cancel. Alors, votre avis? Ok, alors déjà c'est génial, mais... Je suis en train peut-être de voir le possible fiasco de ce jeu, mais... non. Répète-nous les paroles, mais à la voix, genre, juste. Bien sûr. On fait croire à notre amour, coup de carton sur la tête. Je connais pas ta taille ni ton deuxième prénom, peut-être Sylvie. Un petit calembour sur une meuf qui se fait ruer de coups. Le jeu me manque, mais pas cet enfoiré de Tex. Il s'est fait cancel. Les amours de la Bastille? Exactement, 1789, les amours de la Bastille, bien sûr. Les amours avec un Z. Oh, putain, d'accord, okay. Les amours avec un Z. Oui, parce que c'était les amants, c'est les amants à la base, hein, le titre. Hein. Donc, là, c'était les amours de la Bastille. Ça y est, Kylian, t'es ouais, t'es c'est chauffé. Bon, menteur. On verra bien. Il y en a, on est le 14 juillet, il y en a 14, je rigole. Putain. Il y en a 7. On va passer à la soirée dessus. Tu vas te la prendre celle-là, une salade de phalange. Les amants de la baston. Eh oui. Je l'écoute quand même parce qu'on se régale. Je te nique bien ta mère, tu lui diras plus bonjour. Je te prends tes têtes contre le but d'un mur, cœur fois poumon. Ah là là. Putain, merci vraiment. À Mylène Farmer hein, d'avoir chanté quand même. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir eu. Putain, on a que des stars avec nous. Allez, je veux pas entendre parler, direct le prochain. Ça ira pour ma gorge. Ça ira pour ma tout. Les amants de la pastille. Oui, c'est pas mal. Ça ira pour ma gorge. Ça a vraiment bon. Bon, tous les citrouilles, même à la mûre, Ricola au Vichy. Énorme. Putain, les amants de la pastille. Je répète pour si jamais on s'entend pas avec le truc, celui d'avant c'était les amants de la baston et là c'est les amants de la pastille. Mais c'est très bon, bah, vraiment, bravo. Normalement, je ferai en sorte qu'on nous entende. Car le logiciel est très puissant. Pas de allez, c'est parti, quatrième extrait. Négatif, moi je suis positif. Allez, viens là, je crois que les opposés s'attirent. T'es accroché au frigo. Les aimants de la Bastille. Ah ouais. Oh, brise sur le gong. Enfin, sur la ligne. Chant magnétique et plus fort, je le jure. Je crois que l'on s'attire. Ouais, j'ai plus d'idées, hein. J'ai quasiment donné la réponse à la fin. Ah, mais franchement, ça va. On va de plus en plus dur à chaque fois. Hein. C'est... Il en reste combien, là? Le dernier, il en reste 3. Il y a 2-2 okay. pour l'instant. J'ai essayé de compter les points pour une fois. Ok. On est parti. On vous fête les 24 juin. 700 de plus en 2023. Franchement, c'est tout. J'étais content du jeu de mots, mais j'ai pas. Les Armands de la Bastille. Non. On peut tirer après, genre. On oubliera ce prénom. Non, je n'ai pas le prénom. On cherche lui, un gars qui s'appelle le Capla ou Jabby. Les Amants de la Baptiste. Et ouais. Oui, les Amants de la Baptiste. Ah putain. Le dégoût dans ta voix quand tu le dis. Mais parce que je l'ai eu qu'à la fin sur le Capla, j'étais ok, c'est bon. Mais pourquoi c'est la Baptiste? Les infos sur les Baptistes. De quoi? J'ai pas compris, c'est la Saint-Baptiste le 24 juin, c'est ça? C'est ça. Ok. On va faire le savoir 700, par contre. Hein. C'était 700 en 2023 également. Et après, comme je le dis, j'ai... Bah, j'étais content du jeu de mots, comme je le dis dans la chanson. Oui, voilà. Et après, bah, hyper galère en fait de faire deviner le prénom Baptiste, il y en a deux de connus en France, donc trop chiant. Parce que moi, à la base, c'était cité que des noms de Baptiste connus, je m'en suis... aperçu très très vite qu'il n'y en avait aucun, donc c'était beaucoup plus dur que prévu. Allez, avant-dernier extrait. Qui a eu Baptiste? Ah, Kylian, pardon. Moi. 2-3 pour l'instant. On volera sans avion. On reste plus stylé que la poule. Comme Booba, on flex à Miami. Mais on vient qu'à Morgue. Les anges de la Bastille. On aura sans avion. De surimi sans détour. Je me tiens sur une jambe en bouffant le sashimi. Je suis Chenny. Putain. Attends. Je peux vous relire les paroles si vous voulez. Vas-y, vas-y. Ouais, dis-nous les paroles. On volera sans avion, on reste plus stylé que la poule. Comme Booba, on flex à Miami, mais on vient de Camargue. On volera sans avion, deux surimi sans détour. Je me tiens sur une jambe en bouffant des sashimi. Je suis Chun-Li. Et pour vous aider, le surimi, c'est à base de crabe. J'ai confondu, je pensais que c'était à base de crevettes. Voilà. En gros. Donc l'indice, c'est qu'il y a un délire avec la crevette. Quoi? On volera sans avion, on reste plus stylé que la poule. Ça donne un indice de ce qu'on cherche. Volera sans avion. Canard de la Bastille? Non. Rappelle que le titre de la comédie musicale est 1789, Les Amants de la Bastille. Oui, oui, non, mais... Non, mais c'est pour vous hein, que je fais ça. Les... Un indice? Un indice, oiseau, on cherche un oiseau. On cherche un oiseau. Ouais, un oiseau. Qui se tient sur une jambe en bouffant des sashimi comme Chun-Li? Les Flamands de la Bastille. Les Flamands de la Bastille, bravo, oui, 3-3, non, oh là là. Bravo, Brice. T'as l'air, c'est pas mal, hein. Et le dernier, bonne chance. On ira Ikea, on mangera des Chris Cross. Jorgen et Fritz, venez, on va faire du disco. À votre avis, les Allemands de la Bastille? Non. Ça a un rapport avec côté de la Suède. Ouais, avec un pays, ouais. Avec la Suède. Je vous refais les paroles avec une voix normale. On ira à Ikea, on mangera des Chris Prolls. Bjorn, Anifrid, venez, on va faire du disco. Et après, c'est la traduction littérale en suédoise, sauf la dernière phrase qui veut dire « Est-ce que vous voulez faire une partouze ?» Ok. En citant deux autres prénoms qui sont Agnetha et Benny, qui sont également des indices. On cherche un groupe de musique ? On cherche un groupe de musique. On rappelle que le titre est 1789, Les Amants de la Bastille. C'est Les Amants ou La Bastille qu'on veut ? C'est plus sur La Bastille. Bah après... Demande la réponse, sinon, Brice. Ouais, bah écoutez. Ah, sinon, on part sur une égalité, tu nous donnes la réponse. C'est comme ça. Ça va nous énerver réponse, quand on va l'entendre. C'est 1789. Je le dis ou pas? C'est comme vous voulez. C'est, dis-le, c'est... dis-le. Je ne pas le dire. Ah, non, les amendes... Oh, j'allais le dire, là. C'était sur le bout de la langue. Quel connard. Décidez-vous. Je le dis ou pas? Allez. 1789, les amants de là-bas, le groupe. Ah, oh, putain. Ah, putain. Voire même le groupe stylé pour faire avec Tille. Ah oui, le groupe stylé. Okay. Et voilà. Ok, putain. Bah, il était plus bien plus dur. Ah oui, il était plus dur. Fallait savoir qu'ils étaient suédois. Quand même, tout le monde sait ça. Bah non. Je sais pas. Bah écoutez, j'apprends que deux personnes le savent pas. Mais... Et ben bah voilà, bah, trop... fin de la première partie de l'émission, seulement une demi-heure. On passe aux actus, nos régions du talent. Allez. Qui veut se lancer? Vas-y Kylian. Vas-y. Ouais, vas-y, je me lance. Bah c'est dans le journal La Dépêche, journal de quand même qui est plutôt vers le sud-ouest, mais ça prend pas lieu dans le sud-ouest, mais je trouvais ça tellement marrant que je pouvais pas passer à côté. En gros, il y a un pâtissier qui a été jugé devant le tribunal correctionnel de Beauvais. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi? Quel fait lui sont reprochés? Un pâtissier? Ouais, un pâtissier. Il a fait des trucs en forme de partie sexuelle? Partie intime? Non, mais ça a un lien avec le sexe. Il a mis sa bite dans un Tupperware. Non, dans une pâtisserie? Et il a fait une American Pie. Non. Non, non, plus simple, moins horrible. Enfin, il a tourné un porno. Attention. Non. Il était à poil. Mais on s'en rapproche. Ah, il était. Il a un truc avec ses employés ou pas? T'es en train de baiser, ouais. Ah, aussi. Comme aussi, le Franck qui vend son restaurant, quoi. Ouais, c'est ça. On y est. Je vous donne le truc, mais c'est ça. Hein, vous y êtes. Hein, c'est pour des faits d'exhibitionnisme, d'agression et de harcèlement sexuel. Mais alors, okay. Attendez. Je vous explique. Parce que pour l'instant, on se marre. Ah, pour l'instant, on se marre pas trop. Entre septembre 2019 et mars 2021, le prévenu se promenait le sexe apparent dans la boulangerie à Mouy où il travaillait devant les apprentis mineurs. Son sexe a déjà effleuré certaines d'entre elles en raison de l'exiguïté des lieux. Il leur envoyait également des photos de son pénis au milieu des pâtisseries. Certaines apprentis ont également découvert la lingerie fine qu'il avait glissée dans leur casier. Oh là là. Et là, je vous le cite, le monsieur. Il m'arrivait d'avoir le sexe à l'air car j'avais des braguettes cassées. Justifié au tribunal de pâtissier. Bon, monsieur, également monsieur. Père de famille. Parfois, je n'avais pas de caleçon parce que j'ai souvent la diarrhée et je n'avais pas de charge. Oh. Non, mais imaginez l'avocat qui lui a sorti tout ça. Et que c'est le fin fond de la défense. Là. Et il continue. Peut goûter le pain aussi. Voilà, je la mettais à côté des pains raisins. Voilà, vous pouvez goûter la qualité. Je faisais du levain avec des levures naturelles. Très bon champignon sur ma tub. J'ai fait ça pour les clients, moi, à la base. Il continue par « Je me suis remis en question et j'ai acheté des pantalons sans braguette », explique-t-il. Ah. Il a été condamné à 18 mois de prison assorti d'un sursis probatoire avec interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Et une boulangerie. Voilà, pour le... Oui, bah, il n'a plus le droit de faire de pain. Mais voilà, donc c'était... Bon, l'histoire, évidemment, le mec, c'est pas marrant, hein, bien sûr, mais le mec est fou, quoi. Il arrive terrible, à sortir... Enfin, je sais pas, il y a pas d'excuses. L'explication avoir, est très bonne, quand même. Ouais, je comprends. Hein. Braguette très cassée, bonne impro. Et j'avais pas de chance parce que je chie beaucoup. C'est fou, quoi. C'est, après, je comprends, t'es à la boulangerie toute la journée, faut un peu s'amuser des fois, tu vois. Oui, mais bah. La petite blague entre délire, collègues, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est sur ton épaule, c'est ma bite, tu vois, je peux comprendre. C'est une baguette. Allez. Et c'est ma tu casses le pain, tu casses le pain, et non. Baguette tout up. Et en fait, les yeux bandés, tu dois deviner ce que tu touches. Par contre, tu l'avais dans le cul, donc c'est un peu le problème. Ah, Aubry. Aubry ou tu l'avais dans le cul, là ou l'autre, hein, mais. Oh, il a dû avoir les deux, hein, en 3 ans. Ah non, mais le mec est fou. Mais le coup du. Alors attendez, je reprends un peu, hein. Le. Non, mais on sait que ça a déjà effleuré certaines. Ah bah. Non, mais ça, voilà, ça c'est prison, ça. Et, parce que il se baladait la queue à l'air dans la boutique. Mais du coup, queue en arrière-salle, parce que. Ah, je pense, oui, pas devant les clients. Devant les clients, j'ai envie de dire, il y en a un au d'un moment qui lui règle son compte, quoi. Bah je pense, oui, tu viens avec tes gosses, le mec il a la bite à l'air, tu t'énerves quoi, tu vois. Oui, ah bah ça fout le dimanche en l'air quoi. Ah mais bien sûr, c'est derrière, c'est quand tu fabriques les pâtisseries quoi. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'hygiène va passer, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà retrouvé un petit poil sur sa tarte au citron meringuée avec deux, trois petits agrémenté de 2-3 petits poils. Avec la marque de la bite sur la meringue. Il fait non, vous inquiétez pas, c'est un patron, c'est un truc que je mets par-dessus. Non. Et hop, c'est pas du tout ma bite. J'ai envie de chier, pardon. Je te mets ma bite. C'est sur, hyper dangereux. Sur cette Imagine, tu passes à côté d'un four ou d'un appareil électrique et bim, elle se prend dedans là. C'est hyper dangereux son petit truc. Ah, c'est dans vrai que t'es moins protégé, t'es moins couvert. Je pense qu'il y a une question de sécurité qui Vous pensez qu'il a ouvert le 1er mai, lui, ou pas? Est-ce qu'il a fait polémique? Bah là, il a quand même une sacrée amende à rembourser, il va ouvrir tous les jours, je pense. Il a mis un fut. Un 1er mai, il a mis un fut, c'est fait, quand même. Entre, il a pris 18 mois de sursis, voilà quoi. Bah tranquille, ça va. De sursis? Oui. Ouais, de sursis, putain. Ouais, le mec, le lendemain, il est reparti travailler. Au charbon. Ouais, mais va trouver des apprentis maintenant. Ah ouais. Bah, si, après, que des majeurs, apparemment c'est bon. Ouais. Payer des gens sinon. Ouais. Plus, c'était une ceinture. Après, on sait pas, hein. Ça se trouve, c'est les apprentis qui demandaient à avoir la bite du patron, tu vois. Peut-être que tu y prends goût finalement. C'est vrai qu'imagine le seul jour, où tu vois pas sa queue quand même. Vous êtes, tu dis le mec est malade. Vous êtes malade. Il m'en veut, j'ai mal fait mon travail. Puis ça se trouve, c'était l'occasion de blague entre eux, tu vois. Je sais pas, moi. Belle bite et tout, je sais pas. Ouais. tire mon doigt. Et non, c'était pas mon doigt. Ah, et en plus, il se tient dessus, donc. Ouais. Il devait être bien relou à la Saint-Brigitte, lui. À faire 2-3 jeux de mots. Donc voilà ma première actu. Une actu rapide, hein, mais. Mais quelle actu? Comment on en fait peu? Ah, ça c'est sûr, oui. Et c'est pas dans ma région, mais c'est la Dépêche, donc c'est dans l'Oise, donc pas du tout dans ma région, mais c'est la Dépêche. La Dépêche, ils ont leur siège à Toulouse. Bah c'est bon alors. Trop facile. Voilà. Tous les sites d'actu. Si j'arrive à lier, écoute, je lis comme je veux. C'est toi qui fais le podcast ou c'est nous. Voilà. C'est les trois. Ouais, c'est les trois, c'est vrai. Donc voilà. C'est les quatre, j'ai envie de dire. Pardon. Oui. Mais parce que lui, il gère la prod et tout, c'est pour ça qu'il est pas là. Il est en route. Il gère les gros contrats pour nous. C'est vrai que derrière. Le sponsoring arrive là. Je le vois à la fin du mois. Je vais lui poser des questions. Ouais, bah casse-lui la gueule peut-être. Enfin voilà quoi. Pour nous quoi. Pour les auditeurs. Il a un siège. S'il peut s'asseoir dessus, c'est mieux. Qu'il sorte pas sa bite avec nos apprentis quoi, tu vois. Enfin. Non, il est à Paris. Je monte à Paris à la fin du mois. Paris go. Bah écoute, je propose que Brice ou non Julien, t'enchaînes. Allez, j'enchaîne. Donc, dans une forêt à l'extérieur de la ville de Passau, près des frontières entre l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, on a trouvé une bombe, mais en fait, ça va. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle a déjà explosé. Terre à non. terre. C'était une bombe de peinture? Non. Non, non, on a trouvé une grenade. On a trouvé une grenade. On a dit merde! Et finalement, en vrai, non, ça va. Bah, elle a pas pété. Non, mais parce qu'on pète quand même un câble quand on voit une grenade, peu importe si elle pète ou pas. Est-ce que c'est par rapport au contexte où on l'a découvert, on s'est dit, oh, c'est pas grave si elle pète? Non. Non, non. Non. C'est un rapport avec les gens qui l'ont découvert? C'est pas un rapport avec les gens qui l'ont découvert, c'est un rapport avec les gens qui l'ont déposé. C'est, l'armée qui l'a déposé, et du coup, c'était, Non. Ou c'est l'armée, mais nulle. Une armée nulle. Un historique, une exposition? Non. Non, non, dans une forêt, on a trouvé un sac, il y avait une grenade dedans, il y a eu de la panique, puis on a fait venir des experts, ils ont dit, ça va en vrai ça va. Que c'est une grenade chinoise, elle marche jamais, je sais pas. Non. Putain. Vous voulez pas que c'est un peu gaulerie quand même, la réponse. C'est une grenade... C'est qu'on a un podcast, c'est par rapport à 6 personnes et... Par rapport à ce qui se passe quand elle explose. Ils ont fait, ah ça va, ils sont déjà morts, c'est bon. Non, c'est une grenade aveuglante. Non, donc ça va. Je sais même pas ce que c'est donc. T'as jamais joué à Call of Duty? C'est une vraie grenade si, ou pas si. Classique. C'est peut-être là le. Ah, ils ont confondu une grenade et un fruit, la grenade. Non, bon, c'est pas non plus des abrutis. ça pourrait. Mais en effet, c'est peut-être pas une vraie grenade. Mais qui en a la chance en tout cas. C'est un jouet en plastique? On s'en rapproche. C'est un jouet pas en plastique? Je pense que c'est en plastique. C'est pas Fortnite. C'est Vous êtes sur la piste, vous y êtes quasiment même. Hein. Un jouet. C'est de l'airsoft? Non. C'est un jouet, mais peut-être pas pour les enfants, quoi. Ah oh, putain, c'était un god miché. Eh oui, c'était un sextoys. En forme de grenade. C'est fou. en forme de grenade. Je vais vous lire l'article. Alors qu'un jogger effectuait son entraînement quotidien dans une forêt, celui-ci est tombé nez à nez avec un sac. À l'intérieur, il a découvert un appareil ressemblant fortement à une bombe. Ouais, qu'on se fout dans le cul quand même. En Allemagne, il est encore fréquent de découvrir des munitions oubliées ou cachées, cela 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On trouve d'autres choses aussi. Alerté, une équipe de démineurs s'est rendue sur place dans la forêt bavaroise pour venir examiner de plus près cette trouvaille. Après avoir inspecté l'objet, il est conclu qu'il s'agissait d'une réplique de grenade en caoutchouc. Et est-ce que t'as une photo à nous montrer peut-être de... J'ai pas de photo, mais j'ai un indice qui laissait penser que le mec qui a découvert le sac est un complet abruti. Toutefois, pour confirmer le résultat, la police a mené son enquête jusqu'au bout en allant chercher... Ah non, c'est pas ça. Non. L'objet était accompagné de préservatifs, de lubrifiants qui se trouvaient également dans le sac. Voilà, donc le mec est vraiment trop con. Après, un suicide, tu veux faire un suicide spectaculaire, une grenade dans le cul, je pense. Tu prends tes préservatifs et ton lubrifiant. Et oui, parce que pour te la mettre dans le cul, tu te dis il faut que je me protège avant tout. Il faut que ce soit lubrifié, ça rentre mieux. Pardon, peut-être que je suis un peu trop connaisseur. C'était tes années de passeur en combi. Tu mettais des ballons de coke dans le cul, quoi. Et ben alors, pour revenir un peu pas sur la Colombie et un truc moins, au taf, on a eu une alternante qui est 100% brésilienne. Elle vient du Brésil et tout, de Sao Paulo. Et du coup, on a parlé foot et tout, enfin, trop sympa. Voilà, c'était juste une petite. Quoi le rapport avec les grenades dans le cul? Rien de tout, c'était avec la Colombie plus. C'était avec la Colombie plus qu'avec les grenades dans le cul. Tu lui diras. Mais tu lui diras d'écouter. Ça lui rappellera le pays. Non, mais voilà. Ah, après, je comprends, il a eu peur, hein. Honnêtement, vaut mieux faire venir pour rien que, tu vois. C'est sûr. Oui, que mourir. Voire même, vaut mieux confondre dans ce sens, finalement. Oui, plutôt que de la prendre et de se la mettre dans le cul, en fait, c'était une vraie. Et d'exploser, voilà. Et d'exploser. Ouais, par exemple. De se faire exploser le cul, finalement. Eh ben, souvenez-vous, à Toulon, il y a quelques années, on était passé à la télé, encore une fois, pour un truc fabuleux, un mec s'était mis un obus dans le cul. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui. Très, très bonne affaire. Le vieux, oui. Le vieux avec l'obus dans le cul. Tu parlais de lycée, quand on avait eu le GIGN. Non, pas le GIGN. Non, rien à voir. Rien à voir. Je pensais que tu peux. Ah oui, on avait eu deux fois les flics, ouais. Ouais, bah après, il y avait un. Bref. Ouais. Ah là là. En parlant plus. Non. Une baston. Éloigne-toi plus du micro, peut-être, Kylian. Pardon. Peut-être barre dans tes chiottes, là. Il y a des moustiques, Le rapport. Ah là là. Je vais fracasser. Ils veulent parler. ils veulent qu'on les entende aussi. Je leur tends le micro et ils veulent pas répondre. Nickel. Cool. Brice, tu. Ouais, tu fais du ouais, lourd, ouais. Il me semble. Alors, je sais pas si je vais le faire sous forme de devinette. Non, je vais juste vous en parler comme ça. On est à Marseille, dans le 14e arrondissement, dans une résidence. Il y a un mec qui vient d'emménager. Et en fait, c'est un policier. Parle de lui, du coup. Hein. Non, pas du tout. Et le policier, en l'espace de quelques mois, quelques semaines, il a mis 60 contraventions à ses voisins pour stationnement gênant. Oh, enculé. Alors, c'est interdit au dernier degré, non? Non, il a le droit. Il y a marqué dans l'article, il a le droit. C'est des vraies contraventions, quoi. Genre, ouais, pour stationnement gênant. C'est des vraies infractions. Ouais, ouais. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que les gens reconnaissent totalement mal se garer. Mais ce qu'il reproche, c'est le côté répétitif de la chose. Oui, mais mec, c'est acharné sur eux. T'as 60 en plus, enculé. C'est vraiment régalé. Je te jure, tous les jours, il passe, il sort son petit téléphone, paf. Il a payé le loyer grâce à eux, en fait, en plus. Ah bah, je te jure. Putain, le mec. Ah, je sais pas s'ils ont une prime dessus. Mais évidemment, en vrai, 60, si. c'est combien l'amende de... C'est 35 euros? Allez, on va dire 35, tu vois. Quoi, ça fait 900 balles. Non, mais c'est quoi le mec? Tous les jours, rentrait du taf, il passait devant deux voitures mal garées de ses voisins, il faisait aller hop, deux de plus. Quel bonheur, putain. Mais tu dois du jubiler parce que forcément, t'es tombé sur le même 8 fois, quoi. Ouais. La 8e fois, c'est tu danses carrément devant la voiture, quoi. Mais il a été trop con parce que là, il a fait ça en quelques mois ou quelques semaines, mais il fait ça sur 10 ans plutôt. Mais qu'est-ce qui l'empêche de... Ben là, c'est cramé, là. Il y a avoir une enquête interne et tout, et voilà, quoi. Mais comment ça, si c'est des vrais trucs? Il a le droit, apparemment. Oui, mais c'est chelou, quand même, tous les jours, dans ton parking, enfin, tu vois, dans ta rue. Ouais, t'es un peu pris à partie, quand même. Il y a de l'acharnement, c'est ce que les gens... Harcèlement, tu vois, c'est ce qu'ils dénoncent. Pourquoi eux et pas les autres rues de la ville, tu vois? Garde-toi mieux. Oui, dans l'absolu. Ouais. Au bout de la 8e fois qu'il te le fait, bon, peut-être prends le temps, j'ai envie de dire. Oui, mais... Après, si t'as les moyens... Ce mec, il est arrivé, tout allait très bien avant. Personne prenait d'amende, personne... Parce que les flics passaient une fois par mois, quoi. Voilà, c'est ça. Ils mettaient une fois un mec de temps en temps. Voilà, donc c'était marrant. Attends, à Marseille, ouais, si tu commences à être strict, je pense, ouais, tu fais tomber la ville, quoi. Bah, alors, surtout au niveau du stationnement. Du stationnement, c'est ça. C'est vraiment l'enfer. Hein. Donc c'était fou, ouais. T'as pris une amende dernièrement, Brice ? Jamais. Enfin, dernièrement, non. Bah, dernièrement, non, parce que jamais, ça c'est faux. Bah, c'était il y a, en 2021, la dernière, ou 2022, ça va aller. Ah, quand même ? Ça, ça va ? C'est loin ? Bien sûr, ça va, j'ai tous mes points, zéro amende. Et toi, Kylian ? Moi, j'ai pris une amende la dernière fois quand on est rentré d'Italie. C'est Noémie, elle a perdu un point. Et alors que c'était moi qui conduisais. Et excès de pasta ! Non, je pense pas. On va pas sortir de. On n'aura pas de troisième épisode. Non, pour quelle raison? Parce que excès de vitesse. Excès de vitesse, j'ai pas vu le truc. C'est un peu bizarre quand tu rentres d'Italie par rapport à. Ils ont toujours des excuses, les gens, de fou. T'avais envie de chier aussi. Non, mais t'as des panneaux 110, des panneaux 90. Et je crois que j'étais à 115 alors que c'était 90 et je sais pas. Mais t'as aucune excuse, c'est marqué dans la voiture maintenant, la vitesse à respecter. Bah justement, le Google marche mal là-dessus. Entre la frontière et. Au sans vouloir accuser. Hein, Google marche pas, là. Google marche pas, là. Je vous jure. Regardez-le. Ah, petite amende pour ça. Et je crois que c'est tout. J'ai pas pris d'autres amendes depuis. Non, surtout que bon, je peux pas prendre d'amende dans les transports. Ici, c'est gratuit, donc. Eh ben, tout à l'heure, tu parlais qu'ils étaient fiers de leur transport dans ta ville. Mais c'est gratuit, heureusement qu'au bout d'un moment, ils s'en servent pour quelque chose. Pour faire un peu de la com. Ouais. Ouais, ouais. Après, il y a quand même. Après, il y avait déjà les connards qui faisaient de la gym déguisés en sumo ou un truc comme ça, non ? À Montpellier ? Il y a pas ça devant. Ouais, à Montpellier devant les trams, là. Il y a pas des fous, là, qui dansaient, là ? Non, mais à Montpellier, il y a des fous partout, en fait. Le truc, c'est que tu me dis un cas qui, d'un, ne me surprend pas, et de deux, ne me paraît pas être arrivé devant moi. Mais ça me surprend pas. Un costume de sumo qui dansait devant les métros, devant les trams de Montpellier. Ah, je t'avoue que là, je l'ai pas. Mais en tout cas, ils sont en train de repeindre. Il y a des nouveaux trams qui sont arrivés, qui sont un peu changés. Et voilà. Putain, on s'en fout, attention, hein. Ouais, mais écoute. Les trams de Montpellier, on s'en bat les couilles, attention. Je défends. Ah, c'est moi qui t'ai posé une question, ouais. Il a plus parlé depuis 45 secondes. Gratuits, voilà. Donc le problème, c'est que les trams, c'est gratuit. Ils en parlent, tant mieux, mais il y a mieux à faire, en fait. Dépenser de l'argent pour d'autres choses. Mettre plus de trams, par exemple. Pour toi, par exemple? Non, mettre plus de trams. Hein. Dans le oui, ou pour moi aussi, hein, si besoin, mais si vraiment il y a un excédent. Il y a une actu qu'on n'a pas parlé. La mort d'Ardisson. Ah, mais moi je connaissais pas trop, honnêtement, donc ça m'a pas touché. Ah, bah, si vous voulez, en guise d'hommage, je peux mettre un extrait audio. Vas-y, vas-y. Comment ça va? Ça va? Je suis un peu fatigué. T'es fatigué? Oui. J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieudonné. Ouais, Dieudonné, ouais. Oh là là. Le public. Quel roi quand même avec Alice et Moon. Attendez, après il y a ça. Et c'était une blague. Et oui, je croyais que c'était une blague. Et non. Ah non. C'est Dieudonné. J'aurais préféré que ce soit une blague. Ah là là, Ardisson. Non, voilà, je voulais juste caler cet extrait que j'avais oublié tout à l'heure. Ça, bah ouais, bah Ardisson est mort. On enchaîne. Surtout que. Attends, juste sur Ardisson. non, mais juste. Il disait que je m'en battais les couilles il y a 10 secondes. Non, c'est Brice qui a dit ça. Moi aussi, j'ai dit que je voulais juste mettre l'extrait, moi. Ok, bah alors allez, on passe. On passe on à la passe, suite. Allez. Non, on peut parler d'Ardisson si tu veux, Kylian, ton ami. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est Bafi Ardisson, marrant, quoi. C'est toi qui me l'as appris d'ailleurs avec ton superbe message qu'on a reçu. Ah ouais, bah, la veille, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un gars qui avait sorti l'info sur Twitter, il y avait sa femme qui avait dit c'est de la merde. C'est pas vrai, ouais. C'est faux, quoi, ouais. Ouais, ben non. Ah bah, et le lendemain matin, il est mort. 24 heures après. Quoi. Ben, moi, vraiment le lendemain matin. Est-ce qu'il y avait un compte Twitter, est-ce que Ardisson est mort? Et il a dit oui. Il n'y avait pas celui-là. Ah, dommage. Mais on savait qu'il était malade? Je sais pas. Je crois, ouais. Mais dans tous les cas, ah putain, mais j'ai vu un truc de fou en plus sur Ardisson aujourd'hui. Il avait fait une espèce d'émission en fait où il parlait à des gens décédés, mais en intelligence artificielle. Genre il prenait un acteur, par exemple, j'ai vu l'épisode avec Jean Gabin, c'est nul à chier, hein, le truc. Hein. Genre ils ont pris un acteur, ils ont mis en deepfake immonde la tête de Jean Gabin. Je sais pas s'ils ont modifié la voix en IA, mais on dirait une imitation un peu mal faite, quoi. Et t'as Ardisson qui fait « Ah bah explique-nous », et après il y a un mec qui fait « il parle chaud comme Jean Gabin, trop mal fait. Et il fait, oh oui, avec Lino, c'est très bien entendu. Voilà, il parle comme un vieux. Et c'est ignoble. En fait, c'est, vous voyez ce que c'est, l'Uncanny Valley, quoi. C'est quand un truc, un robot, il est un peu trop proche, il ressemble un peu trop à un humain, mais pas trop, et du coup, ça fait un peu dégueu, quoi. Ouais, bah. Et ben là, il y a exactement ça, où t'as un espèce de sentiment de malaise horrible. Et c'est du lâcher. Il a fait que trois épisodes, je crois que les trois, c'était des fours monumentaux. Il y a eu, bah, Gabin, il y a eu Dalida, je pense qu'il devait être un très très grand épisode. Oh là là là. Quelqu'un qui devait faire l'accent égyptien, très mal fait. Et en plus, ça devait être produit par Orlando, le mec, il a littéralement extorqué. Enfin bref, ça doit être belle merde, cet épisode. Quel enfer. Et il a fait aussi, bah, j'ai maté 10 minutes avec Coluche. Oh là là. Où t'as un mec, il parle un peu comme ça, comme un, bah, il imite Coluche mal, quoi. Et du coup, c'est horrible, les cheveux, une catastrophe, j'ai jamais vu ça. Non, c'est, tout est de la pure merde. Là, de, voilà, on se rappellera de d'Ardisson pour ça, pour Voici Dieudonné. Ah. L'émission en IA. et les blagues de Buffy. Et Squeezie. Et Squeezie, mais t'as vu qu'ils étaient, c'était rabiboché avec Squeezie. Ouais, ils étaient redevenus, ils se sont croisés, bah, il y avait la pub et tout, là. C'est ça, ils ont une réconciliation rémunérée, mais ça compte quand ouais, même. Ouais, avec un cachet, hein. Avec un cachet, on se réconcilie vite, hein. Il a chopé son petit cachet d'intermittent, le Titi. Hein. Pas bête. Pas mal, voilà. Pas mal. Mais c'est bon, on peut salut passer l'artiste. Le Ardisson. Ouais, salut l'artiste. chapeau bas, chapeau bas. Chapeau bas. Fabrice, tu enchaînes? Oui, bien sûr. Allez. Devant les yeux, j'ai un article qui s'appelle, je vais vous donner son titre, et vous allez devoir deviner pourquoi. La sardine qui a bouché la rue du colonel de Roux, rue qui se trouve à Aubagne. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'article s'appelle comme ça? La sardine qui a bouché la rue du colonel de Roux. Il y a un mec, il a dû manger une sardine pas fraîche, il a cassé les chiottes derrière et ça a bloqué une rue, les eaux usées de non. la rue. Non. Ça, c'était pas mal, ça. Ouais, ça m'aurait plu. Est-ce qu'il y a une tentative de record du monde à base de sardines qui aurait bloqué la rue? Je sais pas si c'est un record du monde, mais en tout cas, oui, il y a une tentative. Il y a volonté de faire du chiffre et de faire parler, ouais. Mais c'était quoi? C'était une sardine grosse? Alors non. Mais c'était quoi, la plus grosse boîte de sardines? Non. C'est pas un mec non, des deux. Sardines. Non, c'est par rapport à la sardine. Enfin, l'aliment, quoi, je veux dire. Mais la boîte de sardines ou la sardine? La sardine, le poisson. Qui a bouché une rue. Mais c'est à Marseille. On parle d'une seule sardine? C'est Aubagne. À Aubagne, pardon. Non, mais je vais vous le dire. D'une seule sardine? Non, de plein de sardines. Non, laisse-le deviner. Ah, voilà. Ah voilà, plein de sardines. Ben, il y avait un record de le plus gros amoncellement de sardines et ils ont embouché la rue, quoi. Exactement. La plus grosse sardinade. Ah bah voilà. 150 kilos de sardines pour 400 personnes. Pardon ? C'est quoi une sardinade ? Je sais c'est pas. Le nom de la fête ou c'est le nom du plat ? Sardinade, tu les mets au barbecue, tu manges des sardines, quoi. Ouais, je l'ai eu, pardon. Je l'ai bien défoncé super. Et j'ai bien joué. J'ai niqué le mur, pardon. Je reviens, je vais chercher une éponge, il y a du sang partout. Oh là là. Il est en train de me défoncer, donc... Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Du coup, on sait pas, sardinade, qu'est-ce que c'est ce mot? Si, par exemple, là, il est mangé au barbecue, mais en vrai, je pense que tu fais ce que tu veux tant que tu manges des sardines. Ah, mais c'est le nom de la fête, du coup. Ouais, la sardinade, de l'événement. De l'événement. Il y avait DJ Bobzilla qui était présent. Non, sardinade, c'est un plat. Je sais pas... C'est des tartines de sandwich, quoi. Ouais, mais je sais pas, parce que dans les photos et dans l'article, sardine, oui. il parle de sardines grillées au feu de bois. Ah. Oui, pour moi, c'était quand tu les mélanges et tu fais une sardinade, quoi. Mais là, non. Ah non, selon Wikipédia, sardinade, c'est au barbecue. Bon, et bien voilà, la vérité est rétablie. Bah écoutez, du coup, ils ont voulu faire combien de sardines? 150 kilos, quand même. Ah, quand même. Ils parlent pas de record, je pense qu'ils ont rien battu. Fallait voir un peu plus grand, quoi. De toute façon, ils sont soit les premiers. Oui, il y a pas grand monde, tout, en je fait. Pense. Pour moi, ils sont juste les derniers. Enfin, ils sont juste les premiers. Et du coup, la question que j'allais vous poser, c'est vous voudriez être présent à quel record en rapport avec la nourriture? Genre, vous préférez être là pour la plus grosse pizza ou, enfin, pour quel événement? Si vous deviez en voir un. Les événements de la pizza, la pizza la plus longue qui fait 10 mètres et tout le monde a une belle part après, ça me chauffe. Ouais. Oui, mais c'est lequel? Une pizza que tu veux voir? Un gâteau La pizza, j'ai dit. Quel record? Moi, ce serait un ou... Par exemple, la plus grande pizza, je veux qu'elle soit cuite dans un seul four. Je veux qu'elle soit cuite dans le plus gros four à pizza. Bon. Parce que j'en ai marre, les records de merde, où c'est des sandwichs attachés les uns aux autres, c'est de la merde. Ben oui. Je veux que ce soit le plus grand four à pain qui ait cuit cette baguette. Je ne veux pas 150 baguettes à la suite. Alors qu'en vrai, tu fais une énorme pizza et tu la mets sur un tapis roulant qui passe à l'intérieur d'un four. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais c'est triché encore. Ils avaient un genre de petit four qui cuit chaque partie de la pizza au fur et à mesure. Et bien, parce que Julien, il veut un très grand four. Ça fait partie du record, quoi. Moi, je veux que le record de la bouffe soit aussi le record de l'instrument, finalement. Moi, c'est ça que je pensais, petit. Je me disais, mais comment ça, on n'en fait pas tout. On fait pas un reportage sur le plus grand four à pizza, là. C'est forcément. Il y a eu des records sur les grands fours. Oui, forcément. Oui, bah, il y en a eu des tristes records. J'habite dans ces régions. Merci, Brice. Merci de nous rappeler les tristes heures de notre histoire. Allez, mais c'est fou qu'on soit obligé de parler de nazis à chaque épisode, quand même. C'est toi qui as commencé. Je pense que c'est dans le contrat que je vous ai fait signer au début du podcast. Hein. C'est pas moi qui fixe les règles. Hein. Enfin, si, en l'occurrence. Par contre, c'est fou. Toi, quand t'étais petit, putain, tu devais être tellement heureux à l'époque. Te dire, ouais, ils ont fait une pizza de 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a un four de 100 mètres qui existe quelque part. Non, mais gars, imagine ma réaction à le plus grand sandwich, gars. Je devenais fou. Ouais. Oui, mais littéralement, mais c'est déjà des... C'est hyper galère. Mais comment ça, tu prends juste... Mais ne le fais pas si tu peux pas le faire. Voilà, c'est ça mon truc aussi. Quoi, tu veux faire une qu'est-ce grosse qu'on baguette, s'en bat les couilles du record du la plus grand sandwich si c'est pas le plus grand sandwich baguette. Il faut exactement. Une grosse tomate, c'est ça. Mais t'imagines, les journées, dans ma tête, les journées qui passaient, les mecs. Ben non. Après les tomates, j'étais ok avec le fait d'en mettre 128. Ah. Okay. Ça va. Mais ce n'est pas un sandwich si c'en est plein de petits collets, en fait. C'est pas vrai. Ça la définition. Voilà, c'était un gros coup de gueule. Je suis engagé, cette histoire. Feu d'artifice, les sandwichs. Les gros sujets. Artisson, Dieu donné. Artisson. L'engagement fait de tout. Hein. Kylian, tu veux enchaîner? Ouais, j'enchaîne, vas-y. J'en ai une. Est-ce que t'as une update sur notre série préférée? Non, pas ce coup-ci. Je réserve pour la prochaine fois. Là, j'ai une autre. Moi, une je pourrais vous faire l'update. Un peu marrante. Hein. J'ai regardé, moi. C'est vrai? Ah, mais là, j'avais la daronne. Netflix, là. Non, j'avais la daronne qui était à la maison la semaine dernière et elle regarde cette merde. Et du coup, j'ai pu savoir qui a tué Martial en fait. Je sais la fin en fait. Je peux vous le dire là. Vous voulez que je fasse le reveal? Bien sûr. Ouais, allez, vas-y. Est-ce qu'on rappelle un peu les hypothèses? Très vite. Il y avait François qui s'était fait tromper, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était sa meuf, la meuf de François, Soazic, elle avait un délire avec Martial, Soazic, c'est vrai, ce prénom, et du coup, elle avait trompé avec Martial, où il y avait deux... en tout cas, il le pensait. C'est ça. Et nous, on avait deux hypothèses, du coup, parmi les meurtriers, c'était soit François, soit Soazic. Sachant que François était allé confronter Martial. Pour moi, il n'y a qu'un seul suspect valable, hein. C'est ça, et François est allé confronter Martial. Et en gros, quand on regarde la... Ah, de spoiler, Brice, évidemment que c'est Soazic. J'avais eu raison depuis le début. Et du coup, après, les flics l'arrêtent, ce mec-là, François. Et il trouve des preuves pour pas l'incriminer, je crois. Je sais plus ce qu'il y a comme connerie, mais il avait fait des erreurs, parce que tu sais, c'est sur 8 semaines, hein, les épisodes, donc faut tenir en haleine. Mais pendant une bonne semaine, on croit que c'est lui. Et après, moi, j'ai regardé la deuxième semaine. Où en fait Soazic aurait trafiqué son GPS et changé ses roues, ou un délire comme ça. Et du coup, les flics ont fait putain, c'est elle. Et après, elle se dénonce aux flics et dit c'était moi qui ai tué Martial. Bah putain. Mais c'était un accident. C'est un accident, elle l'a écrasé, je crois, un truc comme ça. Oui, d'accord. Mais je regardais à moitié, hein, parce que ça reste de la pure merde, hein, je rappelle. Je crois qu'elle l'a écrasé et que lui il s'est mis devant la voiture et du coup, bah terminé. Putain, c'est fort. Hein. L'accident bête. Ah, mais ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive à tout le monde. Bah, Brice, par exemple, t'as fait tuer un scooter, mais. Oui, bah, comme je dis, ça arrive vraiment à tout le monde. Hein. Y a pas de blague, hein. Putain, bah, écoute, j'essaierai de suivre pour le prochain épisode. Pas suivre tout, mais essayer de trouver une nouvelle. Un nouveau sujet qui nous tiendra sur deux épisodes, quoi. D'ailleurs, si la police scientifique de Niort veut m'engager, voilà, j'ai deviné que c'était Soazic. Rien qu'à l'audio. Mais tu t'arrêtes à Niort, quoi, pas plus loin. Ouais, bah, j'ai pas plus d'ambition, mettons. Eh, je comprends. Bah, du coup, une petite actu. Il y a à Montpellier, pour le coup. Chez toi. Un agent de sécurité a... Enfin, en tout cas, il y a un couple qui a été interpellé. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi ? Ils ont baisé dans la rue ? Non. Et si vous trouvez pas... Non. Et si où ils étaient arrêtés ? Un indice. Ils ont été arrêtés. Moi, j'ai juste dit que c'est un agent de sécurité qui les a arrêtés. Je vous donnerai des indices au fur et à mesure si vous c'est un agent de sécurité, ça veut dire que c'est dans un magasin, par exemple ? Ouais. Dans un magasin, oui. Mais pas dans un Jiffy. Un magasin classique ou un truc particulier où on va pas tous tout souvent, quoi ? Un truc où on va tous. Ils avaient un impair dans la boulangerie de l'autre taré, là. Ils appelaient les flics direct. Non plus. Je vous donne un indice. Quand ils se sont fait arrêter, ils ont dit une phrase aux flics. La phrase, c'était pour les fiançailles de ma fille. Ah, c'est les bargeaux de Disney, là. Quoi ? De quoi ? Vous avez pas suivi cette histoire-là où il y a des je sais plus c'était quelle nationalité, mais peut-être des Russes ou des trucs comme ça. Et une vidéo trop bizarre à Disney où il y a un gars qui marie une gamine, mais une gamine de 8 ans, quoi. Et qui fait un faux mariage à Disney, et genre, bon, d'avant, Disney a arrêté le truc, quoi, parce que c'était bizarre. Ben heureusement. Et genre, c'était une mise en scène trop bizarre de ces gens-là, ils étaient trois avec la gamine. Ouais, il y avait un faux mariage d'organisé. Ah ouais, non, on n'est pas sur ce truc. Ouais, bizarre. Non, on n'est pas sur ce truc-là, on est sur un truc plus simple, vraiment plus simple. Plus marrant aussi. C'est quoi la phrase qu'ils ont dit ? Ils ont dit, en fait, quand ils se sont fait interpeller, ils ont dit, mais c'était pour les fiançailles de ma fille. Ils ont volé quelque chose ? Ils ont volé quelque chose. Ok. Est-ce qu'ils ont volé une devanture ? Non. Oh, ils ont le même prénom qu'une devanture. Oh non, dommage. Non plus. Très bon. Ça s'appelle Leclerc. Ils ont volé un truc. Une devanture. Ils ont volé 150 000. C'est un agent de sécurité, mais du coup, c'est un bâtiment, quoi. Alors, je vous donne le magasin, c'était à Lidl. Ils ont volé un chariot. Non, sachant que nous, on en a un dans le bâtiment, et je sais pas comment c'est arrivé là, mais en tout cas, il y en a un. Bah, quelqu'un l'a ramené. Ils ont volé un truc? Est-ce que c'est un produit à la vente? Plusieurs trucs. Ou c'est quelque chose qui appartenait au Lidl, qui n'est pas à vendre? Non, c'est un produit à la vente. Mais du coup, ils ont volé plusieurs. Oui, voilà, ils ont juste volé, et le vigile les a arrêtés, quoi. Classique. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est ce qu'ils ont volé. Mais on cherche quoi, Ils ont volé de l'alcool? Non, ni des capotes, ni de l'alcool. À manger ? Ketchup ? C'est un truc qui se mange, oui. Fromage ? Non, je sais pas. Non, mais tu t'en rapproches. 137 boules de mozzarella dans la poche. Non, mais le chiffre est bon, moindre que ça quand même, mais le chiffre est important. C'est combien le chiffre ? C'est sucré ? Le chiffre, c'est une soixantaine. Et c'est sucré ou salé ? C'est salé. Est-ce que 60, tu trouves que c'est trop, par exemple ? Je trouve que pour un mariage, ça le fait. Ah, mais c'est un peu mariageux comme objet. Ouais, alors pas tous les mariages. Hein. Mariage... Des bofs ? Ouais. Putain, du saucisson ? 60 saucissons. Ouais, exactement. 60, bah... Je me suis imaginé mon mariage de rêve, j'ai pensé direct. Un couple a été interpellé le 4 juillet à Montpellier, alors qu'il venait de voler une soixantaine de saucissons dans la réserve du supermarché Lidl. Dans la réserve. Saucissons à l'ail, fouet. Les mis en cause avaient fait leur choix parmi diverses spécialités charcutières. Ils avaient aussi jeté leur dévolu sur des capsules de lessive et des tentes, et cela peut-être avec l'aide d'enfants également présents. Ils faisaient sortir la marchandise par une porte de service. Donc le duo a été repéré en début d'après-midi par un agent de sécurité alors qu'il évacuait les articles par une porte de service. La femme a crié au scandale, prétendant que le vigile l'avait frappé. L'homme, lui, s'est montré menaçant. Tous deux ont réussi, dans un premier temps, à prendre la fuite à bord de leur voiture stationnée à proximité. Alerté, la police nationale les a finalement interpellés peu de temps après dans le quartier. À bord du véhicule se trouvaient des sacs remplis de victuailles subtilisées. La femme a expliqué qu'elle avait volé les saucissons en vue des fiançailles de sa fille le week-end prochain. Elle, âgée de 42 ans, est domiciliée à Montpellier. Lui, 29 ans, vivant à Grabels, ont été placés en garde à vue. L'un et l'autre sont déjà connus de la police. Voilà, donc ils ont volé une soixantaine de saucisses. Mais alors, pour un mariage, c'est moins grave. Après, si c'est pour célébrer l'amour, c'est bon, quoi. C'est vrai. Ouais, il y a vol et vol, voilà. C'est... Lidl, ils ont qu'à... Mais voilà, surtout que c'est rien. Lidl, ils ont qu'à sponsoriser leur mariage. Coup de com', énorme. Mais bon, ils sont douillons. Comment ils ont fait pour aller dans la réserve, voler par une porte dérobée ? Enfin, c'est des barjots. Ils ont vraiment pris des... Ils ont bossé. Et à du repérage, quoi. C'est prémédité, je pense. Ouais. Peut-être qu'il travaillait là-bas, tu sais, il avait les codes et tout. 60 saucissons pour un mariage, ça fait peu, non ? Ben, ça dépend, un saucisson, c'est pas par personne, t'es fou, toi. Oui, un saucisson, tu mets 4 personnes. Un mariage, t'as au moins 50 personnes. Oui, mais ben, alors 60. Bah, tout le monde t'a plus d'un saucisson, en principe. Mais ça va plus que moi, ça. En principe. Dans une journée calme. Il fait pas trop soleil. Tu sais que normalement, en mariage, tu leur donnes à manger, les gens, il n'y a pas que du saucisson. Après, vu le casse qu'ils sont en train de faire, bon. Peut-être que c'était que des saucissons qui étaient prévus. Bah, carrément, ouais, parce que pourquoi. Mais on a une question. Est-ce qu'on sait si le mariage a eu lieu ou pas? Eh oui. Continue de manger, finalement. On n'en sait pas plus, mais je pense que. Dommage. Bon, je pense qu'on n'annule pas un mariage pour ça. Bah, s'ils sont en prison, les parents. Ils ont annulé le mariage et après, ils se retrouvent. Ouais, il manque deux individus quand même. Qui l'a conduite à l'hôtel? Ah, petite info en plus, la vérification des policiers. Les vérifications des policiers ont révélé en août que madame conduisait sans permis et que sa voiture n'était pas assurée. La bosse. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, 60 saucissons. Bah surtout, en vrai, ça c'est le délire. Tu vois, quand t'es gamin, t'as toujours ce truc de putain, si on m'enferme dans le magasin, je tape dans tout et tout. Vous aurez tapé dans quoi? Pas le saucisson. Pas 60 saucissons. Non, pas le saucisson. Pas 60 en tout cas. Ouais, voilà. Peut-être une petite vingtaine. Pour le délire, mais... Je sais pas, mais 60. Comme on dit, un peu tout. Tu vois, tu te promènes dans les rayons et tu grailles un truc, quoi, à chaque fois que t'as faim. Moi, ouais, c'est de la notion de détruire, moi, qui me plaît, mais... Ah, mais est-ce que... C'est la notion de manger. Ah ouais, ouais. Bah, manger, t'en as pour une heure, c'est terminé, après. Est-ce que tu prends des trucs pour voler, par exemple, si t'es bloqué dans le magasin, ou tu consommes tout sur l'instant? Ah, il faut tout que tu consommes sur l'instant, t'es obligé. Le deal, c'est que tu restes dans le truc, quoi. Je sais pas, des trucs... Non, moi... Je mange des trucs hyper tristes que je peux m'acheter tous les jours, genre. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que moi aussi j'étais en train de me dire, bah je mangerai des knackis, oui bon bah. Et voilà, mais t'en manges ce soir quoi, donc bon. Moi je pense que j'irai prendre des mozzas. Ah ouais. Et ouais. Tu tapes toutes les mozzas d'un coup, pas con. Ouais, nature comme ça, je croque dedans chacune. Mais c'est pas... T'as une bouteille d'huile d'olive à côté. C'est pas bon, enfin c'est pas très bon quoi. Bah si, c'est mozzas bon. Comme ça, moi j'adore. Ouais. Mozzas nature. Ah, oh, ouais. Et au pire, je prends une team, Julien. Ouais, comparé à tout le magasin, j'ai envie de dire que c'est plutôt limité. Le seul truc qui a pas de goût dans le magasin, de le prendre, bon. Après, je pense, avec de l'huile. Il y a plein de trucs que tu peux manger. N'importe quelle huile, je fais une piste de glisse. Non, mais si c'est un Lidl, il y a toujours un petit barbecue. Ah, mais ça va, toi, en carrément. Déco. Ah, après, par contre. Excusez-moi. Un petit barbecue, j'habite en Allemagne, hein. Ici, c'est Lidl, c'est sérieux. Tu sors 2-3 saucisses, pas mal, ouais. Ah, putain, ouais, tu me donnes des idées, là. C'est un jour que je suis enfermé, jamais... ça n'arrivera jamais. Ouais, parce que franchement, tu le planifies, là. Ah, pas mal. Oui, après t'as des prises, hein. Tu sors à air fryer, tu le branches. Bien sûr. Hop, bah là c'est le début de la fin, alors tout est possible. Tout est possible. une friteuse, tu te fais de la friture. En pleurs de joie. Tu fais, putain, un micro-ondes. Ah, tu te fais une cuisine en fait. Tu te fais un truc à après, ménager. Après, t'y restes pas 6 mois, coin, je crois. petit... tu te fais un petit. Mais Mister Beast, il a fait une vidéo comme ça où il avait enfermé un mec dans un magasin et il lui donnait de l'argent tous les jours. Mais c'est quoi, il te donnait de l'argent, tu y restais? Ouais. Dis, ouais, si t'arrives à survivre, le plus de jours tu survives, plus tu gagnes de l'argent. Mais sauf qu'il y donnait, il donnait tout le magasin, mais il donnait que ça, quoi. Ouais, c'est trop facile. Tu peux pas sortir, Bruce. Précisément, d'aller voir ta famille. Ah, mais c'est facile, mais. Ah, mais Kylian, toi, ça t'embête pas, ça. Oui, mais y a pas de fin, c'est toi qui décides de la fin, en fait. Ah, mais quoi, y a pas un truc où tu dis, j'en tiens 100 jours ou un truc comme ça. Oui, mais à la fin, tu tombes sur des sommes sympas, tu vois. Tu deviens fou, surtout. Mister B, c'est quoi? C'est 1 million à la fin que tu repars? Oh, bah, plus, hein, même. Plus, ouais, bah, c'est bon. Ouais, moi, j'avoue. Un mois dans un magasin, facile. Non, pas un mois. Là, on parle plus de 3 mois, des grosses... Ouais, c'est toi, tu veux, en fait. Si tu veux rester un an... Parce que tu peux te démerder, si tu... Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il a commencé à faire un potager et tout, là, le mec, dans son lit. Voilà, il fait sa petite vie. Tu deviens le fou du magasin, après, c'est pas grave, mais... Tu deviens un taré, oui. Ben, ouais. Et vous savez, c'est comme ce jeu au Japon ou en Chine, je sais plus, là où un mec, on lui donnait rien pour se débrouiller. Et il devait survivre avec juste en appelant des numéros, gagner des trucs et tout. Là, vous avez déjà vu cette émission? Enfin, ce. Ça s'appelle Vivre au SMIC en France, ça. Mais non, mais je crois qu'on lui donnait rien. Il était bloqué dans un appart, presque à poil. Et il devait juste essayer d'appeler, gagner des conneries et tout. Il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé. Oui, oui. Ouais, c'était une télé-réalité trop bizarre. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, on lui faisait recommencer en lui faisant croire que vas-y, tu vois. Ah oui, oui. Je sais qu'il en a parlé de ça. Ah, Squeezie, je crois qu'il en a parlé, c'est pour ça. Ah, que peut-être Squeezie. Si connu. Voilà. Mais ouais, très très bonne histoire. Ça. Bah, il est juste devenu fou, mais il a gagné. Ah oui, ouais, c'est ça. À quel prix? Eh ben, énorme. Bah, allez, dernière actu, Julien. Et après, dernière actu. Ouais, et après, on rentre chez soi. Après, il y a les recommandations, attention les amis. Ouais, ouais. Alors, à moi. Un jeune homme armé d'un couteau a déclenché une alerte dans un train express allemand, mais seulement passagère. À votre avis, pourquoi ? Ouais, c'était un jouet. Un morceau de fromage. Il coupait quelque chose, mais pas un morceau de fromage. Ah, du saucisson. De la bouffe. Pas de la bouffe. 60 saucissons. Ah. C'était en galère. Mais c'était de la bouffe, on est d'accord. Non, non, c'était pas de la bouffe. Ah, pardon. Ses chaussures, ses lacets. Ses ongles. Mais ça va pas, toi ? Bon, je sais pas, je propose. Hein. C'était un truc qui se mange ou pas ? Non. Pas du tout. Toujours pas. Toujours pas, okay. Question. Enfin, non, mais est-ce que éventuellement. Tu peux le manger, ongles... mais t'es un porc, quoi. Voilà. Ok. Tu peux le manger. Ok. Des crottes de nez ? Quoi ? Non. Bah écoute. Un couteau, il avait. Bah, il se creuait le nez avec le couteau. Ça a un lien avec quelque chose de. Quand tu dis momentané, c'est quoi ? Il a sorti le couteau, tout le monde a eu peur, il a commencé à couper un truc, on a fait ah ok, c'est juste un fou, quoi. Et puis voilà. Il était dans les. Pour donner un indice, il était dans les WC. Donc les gendarmes cherchaient, tu sais, les resquilleurs. Enfin, les gendarmes, les contrôleurs, oui. Ils cherchaient les resquilleurs. Ils ont ouvert les WC, ils ont vu un gars avec un couteau. Ils ont fait oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait non, non, non, je fais autre chose. Il coupait sa coque, je sais pas, il faisait des petites lamelles. Je sais pas. Qu'est-ce que sa coque. Il coupait sa bite. Pas loin, on s'en rapproche. Il se coupait des. Il se rasait, je sais pas, les poils. Exactement, il se rasait l'entrejambe dans les WC du train. Au couteau, mais putain. Au couteau. Nu comme un verre, un jeune homme armé d'un couteau a déclenché une alerte dans un train express allemand. En plus, il n'avait pas de titre de transport valable. La double peine. Putain, c'est fort. Ah là là. Branle-bas de combat dans un train rapide allemand, ICE. En effectuant leur tournée en début de semaine, les contrôleurs ont dû ouvrir la porte d'un cabinet de toilette. Ils sont tombés nez à nez avec un voyageur nu comme un verre et muni d'un couteau de cuisine. Imagine, tu fais une heure de train tous les jours. Faut rentabiliser au bout d'un moment. Au début, il a dû se raser la moustache, tu vois. Et au fur et à mesure, il est parti en couille. Non, mais il y a une explication. Hein. Ils ont découvert que le passager était en train de procéder au rasage de ses parties intimes avec la lame. Très très bon, très très bon, très très bon article. Furieux d'avoir été interrompu dans cette opération délicate, l'individu de 22 ans s'est rhabillé de mauvaise grâce. Pas sympa le gars. Il n'est pas de titre de transport et a donc été embarqué. Quand on lui a demandé pourquoi il avait choisi les WC du train pour se raser, le jeune homme a répondu qu'il ne voulait pas être chez lui en ce moment. Voilà. Donc, super ouais, explication. Oui. À mon avis, il travaille avec le boulanger qui sort sa Ils ont le même avocat au moins. C'est lui aussi. Oui, yeah. Enfin, quand même, je dois présenter pour la boutique. Merci bien, j'ai pas le temps ce matin. On doit faire propre, je reste le patron. J'ai mon apprenti qui arrive aujourd'hui, faut bien l'accueillir. J'en ai une nouvelle. Putain, c'est fort. Ouais, puis voilà. Par contre, le couteau de cuisine, quand même, c'est fort. Oui, pourquoi pas un cuisine à poil dans les WC du train en train de se raser la bite. C'est exceptionnel. Je pense que je suis jamais rentré dans les WC d'un train. Ah, moi, si une fois j'ai eu le malheur de faire quelque chose. Oh là là. Mais moi, c'est systématique, je fais des très longs trajets, les amis. Oui, mais voilà, moi, je prends presque jamais le train et le peu que j'ai pris. Moi, une fois, j'ai pas pu m'en empêcher, hein. C'était soit ça, soit mon jean. Soit il y avait plus de caleçon, quoi. Ouais, c'est non, ça. Mais est-ce que... c'était... Mais toi, de toute façon, après, t'es resté tout le trajet dans les toilettes. Oui, c'est vrai que toi, ça passe vite. Oui, alors déjà, oui, mais sachant que je suis pas quelqu'un qui chie en dehors de chez moi. Sauf cas exceptionnel, quoi. Fous de ma gueule, non, quoi. Non, mais t'es passé à un cas extrême, là. Jamais chier, je chie dans un train. Ah, par contre, tu chies en dehors de chez toi, espèce de sale menteur, en plus. C'est pas vrai, donne-moi un exemple. Tu l'as fait chez Brice des milliards de fois, je pense. Oui, mais tu vois, ça va. Pareil, ouais, tu disais chez les parents de Noémie, il y avait deux chiottes, et t'es allé dans les autres chiottes, je crois, ou un truc comme ça. Non, non, c'est... Oui, mais c'est pareil, j'y reste 4 jours. La fois où t'as chié dans la rue, là, tu te souviens? Ouais, écoute. Ah, ça, aucun souvenir, par contre. J'ai eu la chiasse dans le train. Non, mais... Au taf, oh putain, oui, mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est que t'as pas le choix, quoi, parfois. Parfois, il faut y aller, hein. Mais tu fais quoi? Ouais, le problème c'est que tu retournes toutes les 5 minutes là dans le train. Tu passes pour un fou des toilettes du train. Dans le train, ouais, j'ai eu. Après, c'est passé, mais j'ai eu 3 fois d'affilée quoi, en 5 minutes. Je fais, allez, j'ai bien chié, je me rassois, j'ai encore envie en fait, là. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis vu y passer le trajet, finalement, ça va, je me suis calmé, mais. J'ai eu peur. Ah, tu m'étonnes. Cool les gars, la Roco, c'est quoi cette semaine? La Roco, 14 juillet oblige. Je vous ai demandé quelque chose de français. Ah. Pourquoi vous avez pas lu les messages, c'est ça? T'as fait quelque chose. J'avais cru que c'était quelque chose qui nous avait fait pleurer. Putain, j'ai mal lu la suite alors. Eh ben, trouve quelque chose de français, t'as 5 minutes. Kylian, tu ouvres le bal? Moi, j'ai des trucs de français. Déjà Zidane. Petite recommandation pour Zizou. Ah oui, je comprends. Mais je peux pas te jeter la pierre, je repose chacune de ces photos. Donc, voilà, petite reco Zidane, si n'hésitez pas à regarder. Et tu viens de le trouver maintenant, là, par contre. Non, bien sûr, par contre. Parce que là, c'est. Parce que tu dis Zidane en boucle depuis 2 minutes, là, faut t'en rendre compte. Ensuite, un autre truc de français. Ah, la Ligo. La Ligo, évidemment. Non, mais ça va. Grande reco. Qu'est-ce qu'il y a, Brice? T'as un problème avec la Ligo? T'as déjà pleuré en mangeant de la Ligo? Je t'emmerde. T'as déjà pleuré en mangeant de la Ligo? Ouais, tous les jours. T'as déjà mangé de la Ligo en pleurant? Mais ça nous fait pas pleurer, Brice, hein, la recommandation. Ah putain, mais c'est vrai, je suis. Ah, vrai? Il a rien compris. J'ai mélangé les deux, moi. Français qui fait pleurer. Ah oui, par contre, à Zidane, ça marche. Et un dernier truc, un truc français. Ah bah putain, si, une bonne reco. Et t'as pas du tout cherché, espèce d'enfoiré. Non, je te dis que je viens de la faire en live, en fait. Ah, ok. Mais je savais que c'était ça, par contre. J'y ai pas réfléchi. Ah oui, c'est cool. Et du coup, Wakfu, série française faite par Ankama, créateur aussi de Dofus et tout. Et Wakfu est une série géniale. Là, il y a une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps, je sais pas quand, mais pas mal. Un doublage qui est titanesque. Des scènes d'action, honnêtement, ça a rien à envier à animation américaine ou japonaise, franchement, et c'était une régalade. Et ça a bercé mon enfance, et en soi, ça se suit très bien encore aujourd'hui. Et ça continue? Ouais, là, il y a une dernière saison qui est sortie, je sais pas si c'était l'ultime ou pas, mais en tout cas, il y a encore une saison là. Ils ont fait le truc où c'est un peu dans le futur, enfin, Yogi, il a grandi et tout, non? Il y a eu ça, Yogi, pendant une saison. Un truc comme ça. Ouais, Hugo, je crois. Oui, Hugo. Ouais, peut-être. Et en gros, il y a eu ce truc-là où il y avait ça, puis il y avait son lui du futur qui venait dans le passé. Enfin, il y a eu une petite saison un peu là-dessus, mais qui était pas pour autant mal rythmée ou mal écrite. Ça faisait sens avec ce qu'on avait déjà. Et, c'était pour savoir si ça avait continué dans ce sens après. Parce que j'avais passé des extraits. Et du coup, il y a eu ça. Et là, après, je sais pas de quoi parle la nouvelle saison, mais l'éclate, franchement. Mais t'as revu ou c'est pure nostalgie? Non, parce que quand j'étais à Toulouse, je me les suis refait quand je finissais mon master et tout. Et la dernière saison, c'était pareil, c'était à Toulouse aussi parce que je pensais du tout me remater quand la saison est sortie. Et là, j'ai vu il y a pas longtemps que la nouvelle saison sortait ici. Donc, faut que je la regarde quoi. Stylé. Je vais la regarder. Moi, attends, Brice, t'as un truc ou... Non, je laisse du répit. Ce qui va nous sortir. Un mec qui nous fait pleurer, je pense. Il va nous sortir la mort d'Ardisson. Non, j'ai compris. Moi, vous aimez pas ça, mais moi, je vais parler de cinéma français, parce que pour moi, c'est le meilleur cinéma du monde. Et pour vous prouver ça, j'ai parcouru mon Letterboxd ces derniers mois, j'ai pris les films français, donc je vais vous juste les citer en comme ça, quoi, telle une liste exhaustive. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, juste prenez ces recommandations, et puis me faites pas chier. Alors on a L'aveu de Costa Gavras sorti en 1970, superbe film. Le boucher de Claude Chabrol sorti en 1970. On a Que la bête meurt aussi de Claude Chabrol sorti en 1969. On a Le royaume de Julien Colonna qui se passe en Corse sorti en 2024. La crise de Colin Serrault, une des meilleures comédies que j'ai vues de ma vie je pense, sorti en 1992. On a Smoking and No Smoking de Alain René sorti en 1993. L'argent des autres de Christian de Chalonge 1978. Mon oncle Jacques Tati 1958. C'est un peu vieilli. Tous les matins du monde d'Alain Corneau 1991. Superbe film, mais il y a Depardieu dedans. Le bonheur de Agnès Varda 1965. Extraordinaire film, quasiment un film d'horreur. Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda également 1962. Superbe film sur une meuf qui apprend qu'il y a un cancer. Donc c'est hyper joyeux. L'argent de Robert Bresson 1983, pamphlet anticapitaliste qu'il a réalisé à l'aube de la mort à 90 ans, c'est exceptionnel le niveau de hate qu'il avait. Garde à vue de Claude Miller 1981, Quand vient l'automne de François Ozon 2024 et Miséricorde de Alain Guiraudy 2024, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les genres. Et c'est français, c'est des superbes films. Et si tu devais, pour les auditeurs, en donner les deux meilleurs pour toi? Deux meilleurs, on va aller... Oh là là. Les deux meilleurs vraiment, allez, on va dire Que la bête meurt, de Claude Chabrol, film extraordinaire où ça commence avec un enfant qui meurt. Excellent, excellent. Non, ça commence avec un enfant qui meurt. Et le père, on le suit en voix off et il dit « Je vais tuer l'assassin de mon fils. Je ne mourrai qu'à ce moment-là de ma vie. Je ne vis que pour ça. » Et on suit le traquage parce qu'il n'a aucun indice au début. Et c'est exceptionnel. C'est quasiment du Hitchcock tellement c'est bien fait. Et ensuite, la crise, c'était vraiment très très bien. Comédie hyper rythmé, hyper drôle avec avec Patrick Timsit et ce con de Vincent Ladon, pardon, et ils sont exceptionnels. Patrick Timsit s'appelle Michou dans le film et c'est trop bien. Et allez, j'en mets un troisième, Cléo de 5 à 7, parce que c'est vraiment exceptionnel. Agnès Varda, ce qu'elle a apporté au cinéma français et la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est narré, c'est trop bien. Et en plus la musique est trop bien parce que c'est c'est Michel Legrand, le meilleur compositeur de l'histoire, selon moi. Donc, et c'est un personnage du film également. Donc, la musique est finalement fait partie des personnages du film. J'adore quand les films font ça. Par exemple, dans Babylone aussi, c'était trop bien. Eh ben, trop cool. Ouais, j'en ai vu aucun, mais Babylone, c'est celui que personne a aimé là. Ouais, celui que les gens n'aiment pas, alors que c'est vraiment très bien. Avec Robbie, tout ça. Il y a Brad Pitt dedans. Margot Robbie, Brad Pitt. Ouais, ok. Toby. Moi, j'avais bien aimé. Aussi. C'est vraiment cool. Il est vraiment bien. Mais en France, il a bien marché le film pour le coup. Comme quoi. Parce qu'on aime encore l'art, ou on aime le cinoche. Et puis okay, voilà. Bah, Brice, t'as eu le temps? J'ai revu Taxi aussi, je l'ai pas mis dans la liste. Ah, très bon. C'est de la grosse merde. Il faut le dire, voilà, j'ose en parler maintenant. Taxi 1 est une merde infâme. Ah ouais, mais celui-là, il est dur. Hein. C'était terrible. Je sais pas pourquoi on en tient un bon souvenir de ce film. C'est catastrophique, c'est cataclysmique, l'ambiance, tout, le rythme. L'accent allemand-russe, je sais pas quoi, de la meuf qui est juste là pour être bonne, une catastrophe. Cotillard déjà de grande actrice. Ouais, mais est-ce qu'à l'époque ça allait. Non, mais c'est un très mauvais film, je trouve. Non, mais je regarde tout. Enfin, c'est une assiette-piètre comédie. C'est trop bizarre. Il y a une BO. On dirait un film de cul, enfin on dirait des scènes de comédie des films de cul, quoi. Genre c'est mal réalisé, ça veut pas aller au bout, c'est pas très drôle, il y a une musique infâme, et t'as l'impression juste que ça va baiser ou vraiment parce que elles sont toutes bonnes en plus. Étrange ambiance. Bon, t'as pas aimé. Non, mais personne n'a aimé, c'est une merde. Une chose de française, il a mis Taxi lui dedans, donc Taxi. Après j'ai pas revu les autres, hein, ça se trouve c'est des chefs-d'œuvre. Hein. J'en garde un très bon souvenir de Taxi 3, moi, avec les Pères Noël. Mais peut-être que je suis arrivé par là, j'ai aimé lui, et du coup, je me suis forcé à aimer les autres, je sais pas. Non, mais faut le revoir, hein, c'est tout. Hein. C'est une cata. On va essayer. Gratuit sur YouTube, il me semble, en plus. Putain, ouais, c'est fou. Ah, je me suis régalé. Hein. Tu m'étonnes. Alors, Brice, t'as trouvé quelque chose qui te fait pleurer? Non, mais moi, du coup, tu nous as parlé de cinéma, et moi, un des derniers films français qui m'a beaucoup plu, c'était L'amour ouf, L'amour fou. Ah, L'amour ouf, ouais. L'amour ouf, et vraiment ça m'avait plu de ouf, et voilà, c'était... Ah, c'est vrai que c'était bien. Et je trouvais que l'année 2024, en film français, je trouve qu'on a été servi, je sais pas si c'est une impression juste. Non, mais ouais, comme j'ai dit, ouais, Miséricorde aussi, c'était super bien de Alain Guiraudy, sur un mec qui revient dans son village natal et qu'il se fait un peu mal regarder parce qu'il s'est passé plein de trucs, et après t'apprends tous les trucs, et j'aime bien les films comme ça aussi. Mais ouais, on a eu on a des bons films en ce moment, c'est cool. Et même on a des Frenchies qui percent aux States et tout. Donc là aujourd'hui, il y a eu la bande-annonce du dernier film du nouveau film de Juliette Ducournau, la meuf qui a fait Titane. Grave. Ouais. Et j'ai pas vu la bande-annonce parce que je veux pas me spoiler, mais ça a l'air bien. Avec Tara Heim transformée physiquement apparemment. On va voir ça alors, ça sort. Qui va parler de maladie, je crois. D'accord. Et puis voilà. D'accord. Kylian, tu es décédé? Non, je suis là, je vous écoutais, mais moustique, vous savez après que tout le son temps. Moustique le tigre. Cinéma français, c'est pas mon délire, donc... Ça n'a pas de sens de dire ça, rends-toi compte, bon sang de merde. Le Comte de Monte Cristo, le dernier film français que j'ai vu, j'ai adoré, mais voilà, c'est tout. Bah voilà, qu'est-ce que tu nous casses les couilles alors? Eh ben, oui, très bien. Mais très bien, voilà, je sais reconnaître. Mais je regarde pas beaucoup, quoi. Ah, tu préfères Brad Pitt? J'ai le droit. Ouais. Non, mais t'as le droit, mais ça n'a aucun sens. Mais je comprends, je conçois ton point de vue. Arrête de m'emmerder. Ouais, c'est tout. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? 1h30, pile poil dans les temps. Ouais, on est bien là. on est dans les temps, on a fait un truc cool. Épisode solide. Tu lui as été lourd. Non, moi, on a été énorme. On a toujours été très, très bien. Mais on est énorme, enfin, on est de plus en plus énorme, quoi, finalement. Il y a de l'amélioration. Nous sommes telle la ligne frontale de Edouard Philippe. Nous ne faisons que grandir. Ça améliore chez lui, attention. Ouais, je crois qu'il. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qui repousse. Mais bon, il ressemble quand même à une couille, quoi. Donc. Ah, c'est vrai. Et il va être élu président de la République. Ah, pitié, non. Hein. Ah, je sais pas, moi. Enfin, je voterai pas pour lui, mais j'ai l'impression que les cons de Français, oui. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de cons que de toi, donc. Hélas. C'est une belle phrase. Sur ce. Ouais, sur ce, les amis. Les amis, suivez-nous. Notez. Partagez. Envoyez-moi des DM. Je vous verrai au mec. Abonnez-vous au Instagram de Julien Guignut pour la scène du scam. Exactement. Et puis voilà. Des bisous. Notez, partagez en fait. Faites-le. Et merde. Allez, la bise. Lucas sera là la prochaine fois, je peux vous l'assurer. Vous pouvez mettre de l'argent dessus, il sera là, il y aura bien 4 micros, comme sur le putain de logo. Ce sera peut-être pas le bon Lucas, mais il y aura un mec qui s'appelle Lucas. Il y en aura un, peu importe qui. Ah putain, on n'a pas fait le gars qu'on veut inviter. C'est vrai. J'en ai un noté rapidement là, si vous voulez. Vas-y, vite fait, parce que j'ai un écouteur sur deux qui vient de s'éteindre. Non, attendez, c'est où? C'est là. Je veux qu'on invite un gars qui peint les manèges avec Iron Man et Mickey dégueulasse. Voilà. Je veux un artiste qui a déjà peint un manège. Okay, là, avec Peppa Pig et Iron Man. Je sais pas s'il va être fier. Je sais pas s'il va vouloir se présenter à nous comme ça. Hein. Sûrement un forain en plus. Ouh là là là. Je sais pas qui sont ces gens. Pas les forains, je les adore. Présentez-vous à nous et puis vous passerez quand vous voulez. Voilà, envoyez-moi un message sur Instagram. Vous aurez votre place à la place de Lucas. De toute façon, il vient pas. Allez, sur ce, la bise. Bravo, on était énorme. Bravo. Allez, au revoir. Ciao les amis.